êtes à C'est fou pour l'écouter. 89.1. Cette semaine, on Mathieu Planchot. Dans Télévision, un retour de The Office serait en projet chez NBC. Dans Merci Science, le cerveau des femmes atteint la maturité avant celui des hommes. Dans Célix, une voiture qui ressent la douleur grâce à un système nerveux. Tout ça en plus de Félix, mon featuring Samuel Girard dans Un autre gamer, un autre. Et Mathieu Planchot commence tout de suite. Celui qui ressent la nervosité de son système endolori, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans l'émission de la semaine du 18 décembre 2017, la dernière de la session. La chronique télévisuelle Television, la section Sciences, Technologie, Médecine, Merci Science et le segment Geek CNX. Dans quelques instants, ça va être la chronique sur les jeux vidéo d'un autre gamer à un autre qui habituellement est avec Frédéric Simon, c'est encore le cas, mais il a un invité spécial et on va justement les accueillir les deux en studio. Messieurs, Bonjour. Allô. Hello. Comment allez-vous? Ça va bien, toi, Mathieu? Absolument, absolument. La dernière fois qu'on s'est parlé les trois ensemble, c'était pour une chronique de Samuel. Oui. Où Frédéric était en featuring. Voilà. Là, c'est une chronique, si je comprends bien, de Frédéric avec en featuring Samuel. Ou une chronique à deux. C'est l'autre autre gamer avec l'autre gamer, puis toi, Mathieu. Et le gamer de base et le... C'est ça. Le secondaire et l'alternative. On se surpasse. Ça va être une formule gagnante, j'en suis certain. Donc, on y va. On commence ça. Fait qu'on appelle ça d'un autre, autre, autre gamer à un autre, autre, autre gamer à un autre. Messieurs, dames, encore une fois, messieurs, Frédéric Simon et Samuel Girard qui sont avec nous, respectivement chroniqueurs de premier nom d'un autre, d'un gamer à un autre. Ça, c'est Samuel Girard. L'original. Et la pâle copie. Et le barbecue d'un autre gamer à un autre, c'est Frédéric Simon. Je sais pas si c'est vos saveurs, là, c'est pas mon problème. Ah. Oh boy. Vous êtes ici en même temps, les deux, en direct dans nos studios pour parler de quoi aujourd'hui? Écoute, c'est quand même incroyable qu'on soit les deux en studio. Ouais. Ça, c'est un miracle en tant que tel. Actuellement, Samuel est préenregistré, Frédéric est en direct. Là, c'est deux semaines de suite là, que je réussis à être là. On va s'habituer à ça. Hey, incroyable. Et puis, j'ai convaincu Fred d'y aller vers un des sujets dont on peut parler aujourd'hui. Fred, explique un peu qu'est-ce qu'on a amené. À date, t'as l'air de l'idée pas mal, la chronique, je trouve ça. Ben, écoute, c'est l'original, fait que je le laisse aller. Mais oui, on va parler des Game Awards qui ont eu lieu le 7 décembre. On va sortir quelques catégories intéressantes. Mm-hmm. Mais on va aussi faire une petite rétrospective de l'année 2017 dans le monde des jeux vidéo. Vous êtes de ce genre-là, vous autres, les rétrospectives. Moi, j'ai jamais vraiment été un fan de faire des rétrospectives. J'aime bien les regarder ou les entendre. Moi, je fais plus rétro que rétrospective, mais c'est comme tu veux. Oh. Est-ce que tu fais des rétrospectives rétro, de genre les meilleurs jeux rétro, de la rétrospective du rétro? Ouais, c'est une façon de voir les choses. Ouais, on dit des drôles de choses. J'ai mal à la tête, mais je comprends ce que tu veux dire. D'un autre gamer à un autre. Donc, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par les Game Awards ou le... On va y aller avec les Game Awards. Après ça, on jasera d'un peu de tout et de rien sur ce qui nous a marqué notre année. Ben oui. Est-ce qu'on y va dans l'ordre des catégories affichées sur le site? Moi, je pense qu'on devrait terminer par celle-là. Ouais, le reste, c'est pas important. Jeu de l'année, on garde du bloc. Ouais, c'est ça. On va partir par le bas, tiens. All right. Ouais, mais peut-être pas le meilleur jeu chinois, parce que ça, je les connais pas vraiment. Ben voyons donc. Ils ont le droit. Wow. Une catégorie juste les meilleurs jeux chinois. Oui. Une catégorie sur Game Awards. Littéralement, Best Chinese Game. Eh, hey, OK. Hey, ça, c'est drôle. Je l'ai-tu, moi, cette catégorie-là, sur ma liste? Je l'ai peut-être pas noté. Mais bon, il y a une catégorie qui a été présentée par le Chic Hydro. C'est les marques de rasoir. Ah oui. C'était... le meilleur jeu indie, le meilleur jeu pour commencer, dans le fond, une production indie. OK. Best debut game indie. Comme un genre de préadolescent qui se raserait pour la première fois. Hein? C'est pour ça que c'est présenté par Chic. Peut-être. Oh! Mais dans ce jeu-là, on retrouvait notamment Cuphead, Slime Rancher, Monsieur Shifty, Hollow Knight et Golf Story. OK. C'est un peu sans surprise que Cuphead a remporté la palme. Quel jeu incroyable. Non, mais tu sais, quand tu dis que j'ai même pas entendu parler des autres jeux tellement c'est que Cuphead a volé la vedette. Hollow Knight, par exemple, est un excellent jeu que je conseille. C'est vrai, celui-là, je l'ai vu, t'as raison. Quel genre de jeu, ça? Un peu style RPG, mais dans le style de Ori and the Blind Forest. Très fantastique. Oui. Mm-hmm. Très fantastique, avec beaucoup d'action. C'est très rapide comme gameplay, mais très, très bon. Oui. Ouais. Cool. Ensuite, ben là, ça, c'est les équipes de eSports, Best eSports Team. Oh, ouais, hein. Ben, c'est la formation Cloud9 qui l'emporte. J'espère que vous êtes heureux de le savoir. Ben, c'est tellement des idoles depuis toujours. Cloud9. Parce qu'on est tellement eSports dans cette émission. Oui. On n'est pas anti eSports, on est juste pas tant pro eSports. Ouais, ça peut exister, mais est-ce que ça a besoin d'avoir autant d'ampleur que ça a en ce moment? Ben, moi, je pense que oui, okay. Mais sans négliger le reste. Ouais, c'est ça, exactement. C'est plus ça. Ouais. C'est comme très trendy. Ouais, c'est ça. Le e-sport tourne toujours, ou pratiquement toujours, autour des mêmes jeux. Ouais. Ça aussi, c'est mon problème. C'est-à-dire League of Legends, Dota 2, Overwatch, Counter-Strike, Rocket League. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est bien résumé. Ça ressemble pas mal à ça. Est-ce que vous trouvez que les e-sports devraient être mis dans la même catégorie que tout ce qui est Twitch et YouTuber qui jouent à des jeux vidéo? Non, parce qu'il y a beaucoup de catégories différentes, je trouve, sur Twitch. De Twitcher, si je peux dire. Ouais. Évidemment, ceux qui ont le plus de fanbase, de subscribers, mm-hmm. c'est ceux qui font du e-sports, qui ont des 200 000 et plus d'abonnés parfois. Il y a quand même quelques gros noms dans le Twitch rétro qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, mais... Ouais. Est-ce qu'ils ont leur prix aux Game Awards? Non. Bon, mais tu vois. Hein? Ça vient pas mal de résumer le point que Fred est en train de démontrer. Parce qu'effectivement, le niveau popularité, c'est un éclipse totale du e-sports par rapport à tout le reste. Exact. Mais les événements en tant que tels, c'est malade mental à voir. Oui. Les foules qui crient, puis c'est vraiment survolté comme ambiance. Le Cloud9, là, il lance le brassière. Ah oui, c'est sûr. Oui. Cloud9. Ouais, parlant de ça, je pense que je vais vouloir parler de Best Multiplayer comme catégorie. Oui, parce que ça, effectivement, ça revient un peu à ce qu'on disait. Donc, dans les nominés, il y a eu Call of Duty World War II, Destiny 2, PlayerUnknown's Battleground, Fortnite, Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2. Mario Kart Deluxe 8 Deluxe, c'est un remake, là. Ça va-tu vraiment cette catégorie-là en tant que telle? Ben, il s'est sorti cette année, donc c'est pour ça. Mais c'est sans surprise que c'est PlayerUnknown's Battleground qui a gagné. Okay. Encore là, moi, je suis pas nécessairement d'accord. Pour moi, c'est pas ça la définition du plaisir multijoueur, mais pour le gamer moyen, c'est ça. Moi, il y a trop de jeux qui s'appellent pareil, là. Battleground, Battlefront 2, 1, je sais pas quoi. Ouais. Là-dedans, mais... Ouais, t'as Need for Speed Underground. C'est ça, exactement. PlayerUnknown, il y a quand même plusieurs jeux qui sont sortis dans ce moule-là. Cet si univers, ouais, ce moule-là. Il y a eu H1Z1. Oui. Ben, Fortnite en est pas un. Fortnite en est un espèce de Battle Royale, finalement, où le dernier survivant gagne la partie. Le roi de la montagne. Ouais, c'est exactement ça. vas-y donc avec une autre... Ben tiens, on parlait de jeux multiplayer puis du monde de e-sport justement, ben je pense que j'ai bien résumé mes affaires tantôt. Oui, vas-y donc. Les jeux pour le best e-sport, c'était Overwatch, Rocket League, League of Legends, Dota 2 et Counter-Strike. Et c'est ils sont tous ex-equo, non? Et c'est Overwatch qui remporte la panne quand même. Un gros jeu. Dans la famille Blizzard, qui est une très belle sortie cette année. Ouais, pas le choix avec Blizzard, hein, c'est... Dans une autre catégorie qui nous plaît énormément, le Best Sports Racing Game. OK. OK. Sports Racing comme dans un jeu de course, mais qui est aussi un sport. Non, sport et jeu de course dans la même catégorie. Une catégorie pour les deux domaines. OK. C'est drôle, eux autres, ils différencient, alors que demander à des passionnés de sport automobile, ils vont nous dire que c'est un sport. Ouais, c'est ça que je me disais. Eux autres, ils ont dit sport et jeu d'automobile. Ça aurait pu être genre jeu de sport incluant, dont les jeux automobiles. Ben, moi, dans ma tête, c'est ça. Okay. Bref, les nominés, FIFA 18, NBA 2K18, Forza Motorsport 7, Gran Turismo Sport, Pro Evolution Soccer 2018 et Project Cars 2. Et le gagnant, ça a été Forza Motorsport 7. Mmh, ils ont pas mis Mario Kart 8 Deluxe dans celui-là. Non, pas celui-là. C'est une autre catégorie présentée par une marque, présentée par McCafé. Okay. Le jeu le plus anticipé qui a été présenté, c'est-à-dire que la date de sortie est après le 7 décembre 2017. Okay. Donc, il y en a qui sont pas encore sortis, mais qui vont sortir prochainement. Sérieusement, justement, pour ceux qui attendent ces jeux-là, c'est là que le café t'intéresse. Ben, justement, au moins, je choisissez un commentateur qui a rapport avec la catégorie, genre, jeu qui va vous tenir réveillé toute la nuit. Présenté par McCafé. Quand même. Hein? Mais non. Mais dans cette catégorie-là, on retrouve Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2, God of War et Marvel Spider-Man. Oh! Et c'est The Last of Us Part 2 qui remporte la palme. Alright, on va y aller avec le Best Strategy Game. Okay. C'est pas nécessairement des jeux faits pour tout le monde de prendre la tête de se faire des stratégies interminables. La preuve, c'est que quand je voulais essayer les RPG stratégiques, où est-ce qu'il faut que tu déplaces tes personnages sur une espèce d'échiquier. C'est comme un genre de risque en jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Mais ça, j'avais décroché un petit peu à Final Fantasy Tactics. Okay. On me l'avait vendu gros comme... comme le studio. C'est-tu ta faute, ça, Fred Simon? Absolument. Non. Non, c'était bien avant que je connaisse Fred. Ouais. Ben, c'est à cause de lui, rétroactivement. Alors. Ouais, c'est tout le temps de ma faute. C'est ça. Mais c'est ça, c'est des jeux, il faut penser beaucoup. Et des fois, je me demande si on perd pas un peu le côté plaisir en pensant trop. Ben, il y en a qui ont du plaisir à penser. Hein? Ben, c'est ça. C'est ce que je me dis. La preuve, quand je ressors un bon Adventures of Lolo au NES, j'ai beaucoup de plaisir à trouver les puzzles. Oui. Sauf qu'en même temps, c'est puzzle, c'est pas stratégie. Non. Fait que c'est pas, pas la même catégorie de jeu. Raison. Bref, on a dans ces catégories-là XCOM 2, War of the Chosen, Tooth and Tall, Total War Warhammer 2, Halo Wars 2 et Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Drôlement, c'était la question que j'avais posé, c'est que XCOM a été souvent comparé à Mario and Rabbids, et là je me disais, voyons donc, ils vont pas mettre Mario, un jeu de Mario dans un jeu de stratégie, ben oui. Et il est là, et en plus c'est lui qui a gagné. Attends! Oui, oui! Je trouve ça vraiment drôle, on disait justement quand on en a parlé à l'émission, ben tu sais, ça ressemble à XCOM, ça ressemble à XCOM, ben là, XCOM 2 est dans la catégorie et perd contre Mario. Parce que, ouais, c'est ça, c'est l'ironie quand même. C'est l'ironie très ironique. Mais la chose est que j'aurais probablement jamais joué à ce genre de jeu de stratégie-là, mais peut-être que là, avec un Mario et lapin crétin, j'aurais pas le choix, là. Parce que ça a l'air beau, ça a l'air le fun, ça a l'air drôle. Ben, sauf pour les lapins. J'ai regardé du monde jouer et vraiment, là, un petit jeu familial, un petit jeu de stratégie, quelque chose de pas trop compliqué dans ce style de jeu-là. Si vous l'avez jamais joué, je pense que ce jeu-là est vraiment idéal. Et puis, juste une note comme ça, il n'a pas été nominé, mais South Park, les combats sont basés beaucoup sur ce mode-là, un petit peu de RPG tactique où tu dois placer tes personnages parce que les attaques ont un range donné. Ok, ok. Est-ce que c'est plus de base que XCOM ou est-ce que c'est vraiment tu peux aller dans les techniques avancées comme un XCOM? Tu parles pour South Park? Pour Mario, pour n'importe quel. J'ai pas assez joué à XCOM pour te dire vraiment jusqu'où tu peux pousser ça. J'ai regardé des gens jouer, l'aspect général avait de l'air intéressant, mais j'ai pas poussé plus que ça sur les stratégies avancées. C'est peut-être un dumb down, là, une genre une version petits enfants de ce jeu-là. Peut-être pas. On sait peut-être, mais tiens, allons-y avec une autre catégorie, le jeu familial. Ah oui! Ça, c'est parfait. Parce que justement, ce jeu-là se retrouve dans cette catégorie-là. Donc, Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Mais on retrouve plusieurs autres jeux de Mario. Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey. On retrouve aussi Splatoon 2 et Sonic Mania. Disons, tous des jeux Nintendo. Ben oui, c'est vrai. Comme quoi, ça reste la force de Nintendo. Leur créneau. Ben, c'est Super Mario Odyssey qui remporte la catégorie. C'est parfait, ça. Ça, c'est vraiment, mais vraiment intéressant comme catégorie. Puis je pense que les 5 jeux nominés, c'est des incontournables pour 2017. Procurez-vous-les. Ouais, c'est ça. Faites la phrase de la façon que vous voulez. Une autre catégorie un peu que nous intéresse moins, le Best Fighting Game. Ouais, un peu moins. Ma phase Mortal Kombat est passée depuis que j'ai 8-9 ans. Ah oui? Oui. T'étais bon? Hein? T'étais bon quand même? Ouais. J'étais bon dans le temps. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui vont rire un moment donné, mais qu'ils me refassent jouer à des jeux de combat. Hein, Fred? Encore là, j'ai joué sur la Super NES classique. Ouais, c'est ça. Vente-toi encore que t'as réussi à avoir une Super NES classique. Et j'étais vraiment atroce. Même en jouant à normal, je me suis mis à very easy. Je sais même pas si j'ai complété le tour. Donc, c'est plus difficile que dans ma mémoire. Ouais. Parenthèse sur la Super NES Mini, t'as vu, dans les dernières semaines, pour nous en direct, il y avait chez Best Buy à genre 18h. Ils lançaient comme un paquet d'autres exemplaires de la Super NES Mini. J'ai encore actualisé, appuyé sur le bouton pour le mettre dans mon panier et il était déjà trop tard. C'est l'histoire c'est de tout impossible. Le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui me textent pour me dire la même chose encore. C'est dérangeant. Ah, y en avait ils en à telle promis. Place, puis. Ouais. Mais ils partent toutes. Ouais, c'est juste ça le problème. Ils ont promis, ils ont livré. Il y a trop de demandes. Oui, et encore une fois, juste rappeler que la majorité qui réussit à mettre les mains sur ces consoles-là, c'est simplement des revendeurs et non pas des gens qui veulent vraiment l'utiliser. C'est ça. Ou des gens qui participent à des concours, n'est-ce pas, Fred? Ouais. Juste en commentaire. Moi, j'ai la mienne, je suis correct. Sans détail pour dire où aller. C'est ça. Ça. Bon, revenons à notre sujet, les Game Awards. Oui, donc Best Fighting Games. Donc oui, il aurait pu être nominé la course à la SNES Mini. C'était un bon fighting game, ça, cette année. Mais c'est pas là. Donc, on a ARMS, Marvel vs. Capcom Infinite, Injustice 2, Naughty Dog 2 et Tekken 7. Et c'est Injustice 2 qui l'a emporté. Mm-hmm. Donc, un autre bon coup d'en face à Marvel de la part de DC. Des jeux vidéo et des séries, ça va bien pour DC. Les films, c'est une autre histoire. Faut peut-être qu'il y ait des gagnants là-dedans, tu sais. Ouais, il y a vraiment une lutte. Au lieu de juste prendre le divertissement, faut après une lutte. Tu sais, on est chanceux d'avoir les deux. pour avoir deux fois plus de stock à regarder. C'est ce que je me dis. Moi, je me divertis avec les deux groupes de films, les deux groupes de séries. Il n'y en a pas de problème. Les combats inutiles, genre Android, iPhone, Marvel, DC. Là. Ouais. J'embarque pas là-dedans. PlayStation, Xbox. Ouais. Hein. C'est Trump, Sanders, ouais. Clinton, peu importe. Ah, ça, tu pourrais intéresser Sam, par exemple. On n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans. Peut-être une petite parenthèse sur Arms, oui. Qui était une sortie un peu attendue sur Switch. Et c'est intéressant comme jeu. Okay. Mais si vous êtes pour jouer seul, vous allez probablement vous ennuyer après quelques fois où vous avez joué. C'est un jeu pour deux personnes. C'est un jeu où tu joues avec tes amis. OK. Pas nécessairement un à côté de l'autre, tu peux jouer en live. Pas nécessairement des gens que t'apprécies. Mais c'est le fun de jouer contre et mm-hmm. ou avec ses amis. Tandis que quand tu joues contre le monde entier, c'est un peu plus plat. Ils sont souvent meilleurs que toi. Hein? Est-ce que le jeu aurait autant de succès s'il s'appelait Bra? Je pense pas. Probablement. Et le gagnant est Bra. Je pense qu'il aurait peut-être plus de succès s'il s'appelait Chess Bra. Chess Bra. Il a pas encore fait de jeux vidéo, ce gars-là. Non, non, effectivement. Un jour. Pourtant... Et pourtant. Et pourtant. Donc, là, c'était ça, moi, à toi de faire une catégorie. Mais ça, moi. Ah, vas-y. Meilleur RPG, tant qu'à y être. Ah, vas-y. Best role-playing game. On avait en nomination Persona 5, South Park The Fractured Butthole, Final Fantasy XV, Nier Automata, et Divinity Original Sin 2. Et c'est Persona 5 qui a remporté la palme. Je dis ça comme ça, mais Final Fantasy XV, il est pas sorti en 2016. Peut-être dans certains pays en 2017, on sait pas. Hein? Il est peut-être sorti fin 2016. Oui, ah, donc il était pas dans les peut-être. Awards de... C'est de... ça. Ils se mettent une date limite au début. Ouais, effectivement, effectivement. Et en même temps, je trouve ça quand même déjà spécial qu'il soit en nomination parce que les critiques étaient déjà assez mitigées sur le jeu. Il est graphiquement très beau, mais on parlait qu'il était court... Okay. Que le gameplay était plus ou moins répétitif. Donc. C'est vraiment pareil comme Guillaume le mitigé. C'est pareil. Les amis sont partagés sur Guillaume le mitigé. Je sais. J'y cherche trop des fois. C'est correct. On enchaînait avec Best Action Adventure. Mm-hmm. Donc, Assassin's Creed Origin, Uncharted The Lost Legacy, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn et Super Mario Odyssey. Ouh! Et. C'est sans surprise que c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild qui a remporté cette catégorie-là. Ouais. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, honnêtement. Tu joues encore beaucoup à celui-là? Tu l'as conseillé dans tes cadeaux, tes suggestions de cadeaux? J'ai pas joué beaucoup depuis un moment parce que je joue à trop de choses. Ouais. Mais il va falloir que je m'y remette absolument. C'est pour ça qu'il faut choisir des affaires qu'on aime et pas être trop large, sinon tu vires fou. T'sais? Moi, c'est juste les jeux de Mario. Non. Déjà moi? Ben oui. Ben on a fait action-aventure, on va faire seulement action maintenant. On parle de Wolfenstein 2, de Prey, de Nioh, de Destiny 2 et de Cuphead. Ah. Et c'est Wolfenstein 2 qui remporte la palme mm-hmm. du meilleur jeu d'action à tendance de combat. À tendance de combat? Ok, ouais, Cuphead est là-dedans, j'aurais pensé plus jeu de plateforme. Est-ce qu'il y a une catégorie pour jeu de plateforme? Plus tard? Non? Je ne crois pas. Je crois qu'on met tout ça dans aventure. Ouais, action aventure. Ouais, c'est ça. Okay. C'est un peu ça qui représente le plateforme. Ouais, exact. Ouais, je vois. Donc c'est ça, mais oui, c'est le genre de jeu où à un moment donné, faut que tu drops les mitaines. En effet. Ouais. Où s'en va-t-on? Best VR AR game, donc les jeux de réalité virtuelle, réalité augmentée. Ok. Et puis dans cette catégorie-là, on a Resident Evil 7. Biohazard, Farpoint, Lone Echo, Star Trek, Bridge Crew et Super Hot VR. Je suis pas sûr que ce soit la pornographie, ça. Non, c'est ça. Ouais. Non. Et on s'entend pour dire que c'est aussi la liste de tous les jeux de réalité virtuelle qui sont sortis cette année. Non, mais tu sais, il y en a beaucoup moins que les autres catégories. Effectivement. Bon. Moi, je pense que si tu sortais un jeu qui était moindrement joué, t'avais pas mal de chances d'être nominé. C'est ça. Bref, c'est Resident Evil 7 Biohazard qui a remporté cette catégorie-là. Et je pense qu'effectivement, les jeux à tendance horreur vont souvent avoir la cote en réalité virtuelle. Ben, j'avoue que c'est, tu veux avoir peur, il faut que tu sois en immersion totale. Ouais. C'est bizarre qu'il ait appelé Biohazard parce que c'est le nom d'origine de Resident Evil Biohazard. Donc, en tant que tel, Biohazard 7, 2. Biohazard, c'est un peu bizarre. C'est vrai. Ouh. Ça de même. C'est vrai, dans l'histoire de Resident Evil, au départ, c'était Biohazard. Voilà, et ce n'est encore au Japon! Mais le jeu en soi, sans que ce soit en réalité virtuelle, est excellent, donc je comprends qu'il ait remporté cette catégorie. Le jeu en soi n'est pas un jeu en soi, comme dans C'est pas très soyeux, comme dans Stepper. En effet, c'est pas un jeu en coton non plus. C'est fini la mode coton. Ça va revenir un jour. Ah. Ils vont ouvrir des modes coton partout, autant que des Starbucks. Meilleur jeu sur console portative. Ah oui, c'est bizarre que c'est une catégorie, parce qu'en tant que tel, est-ce qu'il y a des jeux... Ben, il y a sûrement des... Il y a des exclusivités quand ouais, même. C'est ça. Est-ce qu'il y a aussi le meilleur jeu Xbox, le meilleur jeu toutes les consoles une à une? Ou genre console de salon? Non. Alors pourquoi est-ce que t'aurais jeu sur console portative, tu comprends? Alors ben, qu'ils peuvent rentrer dans d'autres catégories facilement. C'est ça. Mais bon. Mais je pense que c'est le principe d'avoir une catégorie pour les jeux, les jeux portatifs. Pour qu'ils représentent. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, il y a des exclusivités comme Metroid Samus Returns qui n'est pas sorti sur console de salon. Poochie and Yoshi's Woolly World, Monster Hunter Stories, Fire Emblem Echoes, Shadow of Valencia et Ever Oasis. Et ben c'est Metroid Samus Returns qui a remporté la catégorie de meilleur jeu sur console portable. Très attendu, et je suis surpris qu'il n'y ait pas inclus les jeux pour téléphone cellulaire là-dessus. Peut-être une catégorie future. Peut-être. Si, on va faire la prochaine. Ah oui. Best Mobile Game. Bah! Devin. Une catégorie que je déteste. Ah, pour Kumo, ben explique-toi. Je suis pas très fan de petits jeux de téléphone. Non, parce qu'il y a même pas de bouton. Faut juste que tu touches l'écran. C'est pas pareil. Le feeling est pas le même. J'aime pas ça non plus. Faites donc un bon jeu de console portative au lieu de nous faire des... J'ai rien contre les petits jeux passe-temps, là. Oui, c'est ça. Mais c'est qu'il y en a qui s'investissent dans des jeux de téléphone. C'est incroyable, là. Bref, achetez-vous des petits boutons Bluetooth là, c'est ça. Pour aller avec vos téléphones. Non, c'est vrai, ça existe. C'est oui, effectivement, c'est vrai. Donc, on a Super Mario Run, Old Man's Journey, Monument Valley 2, Hidden Folks et Fire Emblem Heroes. Oh, Hidden Folks, ça a l'air tellement cool. C'est le jeu de Jean-Où est Charlie en noir et blanc. Ça a l'air vraiment malade ce jeu-là. Oh, ok, ça c'est intéressant. Et le gagnant, ça a été Monument Valley 2. C'est un très beau jeu. Pour vrai, là, c'est très, très, très beau. J'ai jamais joué, j'ai regardé des gens jouer. OK. C'est parfaitement joli. Je pense que ça mérite ça. Même s'il y a Super Mario Run dans la catégorie. Ben oui, mais c'est pas un jeu de Mario, ça. C'est non, à peine un jeu de Mario. Un jeu qui était nécessairement trop court si tu voulais pas payer. Eh oui, parce que juste sauter. Tu sautes même pas toi. C'est même pas toi qui saute. Il saute par-dessus Bubit lui-même. C'est pas un jeu de Mario s'il saute seul. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, ça de même. C'est. Ben, tu as tout à fait raison. Merci. Jeu, Games for Impact. Ok, pour l'impact. De Montréal? Ça dit qu'il y a un message social profond. Ah, que c'est beau. Ok. Ok. Il y a Hellblade Senua's Sacrifice, Please Knock on My Door, Night in the Woods, What Remains of Edith Finch, Bury Me My Love, et Life is Strange, Before the Storm. C'est pas des jeux qui ont des messages, c'est des jeux qui veulent passer un paragraphe dans leur titre. On dirait, hein? Quand même. Mais c'est Hellblade, Senua's Sacrifice qui remporte la catégorie. Bon, félicitations. On a Best Ongoing Game. Ah, donc c'est quoi? C'est des séries de jeux qui existent depuis longtemps? Ben, je pense que c'est des jeux que, malgré leur date de sortie, continuent d'être autant à l'avant-scène. Ouais. Donc, c'est sans surprise que dans cette catégorie-là, on a Warframe, Rainbow Six Siege, PlayerUnknown's Battleground, Overwatch, Destiny 2 et Grand Theft Auto Online. Mm-hmm. Des jeux à ressources inépuisables, on dirait. Ça. Et c'est Overwatch qui l'a emporté. Ah. Un peu sans surprise. allons-y du côté de la performance pour le voice acting. Ok, oui, c'est quand même spécifique. C'est aussi le meilleur doublage de jeux vidéo. Exactement. Pas beaucoup de jeux en tant que tel, parce qu'il y a deux fois le même jeu qui est nominé. Ok. Il y a Hellblade avec Melina Wergens, en tout cas. Il y a Uncharted Lost Legacy avec Laura Bailey et Claudia Black. Donc, deux nominations pour... Uncharted, Ryan Bloom avec Wolfenstein 2 et Ashley Birch pour Horizon Zero Dawn. Et bien, c'est encore une fois Hellblade qui remporte la catégorie. Ah, il aurait dû nominer la fille qui a chanté la chanson de Mario Odyssey. Pauline, c'est vrai. Ça, c'était incroyable pour vendre le jeu. Ouais, elle a fait deux chansons, hein, tu sais qu'il y en a une deuxième. Oh, spoiler alert. J'avais déjà spoilé ça à Frédéric Simon, j'espère que pas moi. Ça. Non, excuse-moi. Pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est quoi? C'est pas le genre de truc que ça me dérange de me faire spoiler dans un jeu. Non, c'est même tu vas avoir hâte. Faut que t'ailles. Hey, ça faut que je joue bientôt. Ouais, pour vrai là. Ouais, ça puis Breath of the Wild là. Ouais. Ça va être bientôt une corde de plus à mon arc. Et yes. Voilà. Tant qu'à être dans les best performances, on va aller vers le best audio design. Donc, Hellblade, Senua's Sacrifice, Destiny 2, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est encore Hellblade qui ramasse tout. Tout. Je te dis, je te dis. Ils ont travaillé fort. Hein? Ouais. Ouais. Sinon, pour meilleur listen soundtrack original, chanson originale, donc meilleure musique finalement. Ouais. En nomination, on avait Destiny 2, Cuphead, Nier Automata, Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey et Persona 5. Et c'est Nier Automata qui remporte la catégorie. Bon. Ok, je l'accepte. Best Art Direction. Ah donc, oui, direction artistique. Oui, ça peut être très intéressant. Donc on a Persona 5, Legend of Zelda Breath of the Wild, Cuphead, Horizon Zero Dawn et Destiny 2. Et c'est sans surprise, vu tout le travail qui a été fait, que c'est Cuphead qui l'emporte. Rappelons que toutes les animations ont été faites à la main, dessin par ouais, dessin. On dirait un dessin animé des années... des années 30. 30 environ, j'allais dire 50, je sais pas pourquoi. J'étais pas là, ouais, pas là. C'est ça. Mais ouais, il y a de la couleur. C'est ça. Mais le style artistique, ouais, il est vraiment des vieux dessins animés. Et c'est un jeu vidéo, donc vous avez le contrôle sur ce dessin animé-là, c'est fantastique. Ah, c'est merveilleux. Ça, mon temps des fêtes va être occupé par ce jeu-là, ça je peux vous le garantir. Catégorie meilleure trame narrative. On avait encore une fois What Remains of Edith Finch, Nier Automata, Hellblade, Senua's Sacrifice, Horizon Zero Dawn et Wolfenstein 2. Et non, ce n'est pas Hellblade qui remporte la catégorie, c'est What Remains of Edith Finch. Je voulais varier un petit peu. Et voilà. Ouais, c'est ça. Oh, pas encore eux autres, on va le donner à quelqu'un d'autre. Best Game Direction. Donc, on a Super Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn, Wolfenstein 2, The New Colossus, The Legend of Zelda Breath of the Wild et Resident Evil 7 Biohazard. C'est encore Legend of Zelda Breath of the Wild qui remporte un prix. Ouais, ben pour la meilleure réalisation, je pense que c'est compréhensible avec un jeu aussi énorme. Je te dirais que oui. Ouais. Je te laisse la grosse catégorie. Oh, ben, jeu de l'année. Game of the Year, on avait Super Mario Odyssey, PlayerUnknown's Battleground, Persona 5, Horizon Zero Dawn et The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est The Legend of Zelda Breath of the Wild qui remporte le jeu de l'année. Hey, encore une fois, on l'a dit, mais c'est pas mal mérité. C'est un jeu c'est presque sans fin tellement il y a du stock à vivre là-dedans. Si tu veux ramasser toutes les petites graines, les Korok Seeds, ça s'appelle, il y en a 900 dans le jeu. Alors, bonne chance. Ouais. Beaucoup de temps à investir. Donc, c'était ça pour les Game Awards. Le gala devait durer comme 5 ou 6 heures avec les remerciements. Il y a tellement de catégories. Ah, ça a dû être une bonne soirée. Un bon 3 heures, probablement. Ouais, ça, des fois, là, c'est interminable. Hein? on sait quoi que nos galas qu'on a au Québec, j'imagine pas en plus, quand que tu fais venir des invités de partout sur la planète pour prendre des prix. Là. Ouais. Puis il doit y avoir une quantité phénoménale de cinématiques aussi en plus là, pour c'est les ça. Présentations. Donc, ouais, c'est drôle sûr. Parce qu'on n'aurait jamais ça au Québec, un gala sur les jeux vidéo. Hein, juste aux États-Unis, il me semble. Qu'on fait des galas pour des choses aussi spécifiques que ça. Ouais, sauf que la différence, c'est quand même qu'ils invitent des gens de partout sur la planète. C'est ça. Est-ce que vous avez regardé un petit peu? Est-ce qu'il y avait des gens que vous appréciez qui étaient à l'émission au gala, non? Ben, en fait, oui, déjà d'avoir eu des gens de Nintendo sur place, donc des gens qui sont déplacés du Japon pour venir les parler, même s'il y avait des interprètes ou des histoires comme ça. Ben, c'était plaisant de voir les gens derrière les jeux qu'on aime tant être sur place puis s'adresser aux gens. Puis dire un peu c'est quoi le travail qu'ils ont fait, c'est quoi la vision qu'ils avaient présentée aux gens et c'est quoi la vision qui s'en vienne pour ces jeux-là, ces compagnies-là. J'ai vu quelques extraits, j'ai pas regardé plus en détail que ça, mais c'était intéressant de voir tout ça. Ouais, c'est cool comme idée. The Game Awards, chaque année, c'était quand même, ça fait un bon petit bout de temps que ça roule ces affaires. Oui, quand même. Dizaine d'années, me semble, j'ai envie de dire. Ouais, ben déjà, juste en faisant mes recherches tantôt, là, j'avais accès aux listes de 2014, 2015, 2016, 2017, donc tu sais, on sait déjà que ça fait quelques années que ça roule. C'était quand même dire, c'est depuis quand. Je suis en train. Ok, c'est parce qu'eux, ils comptent les Game Awards indépendamment de ce qu'il y avait de ses antécédents. Là. Ils disent que c'est que ça a commencé en 2014, mais il y avait autre chose avant qui ressemblait énormément à ça, mais qui s'appelait pas les Game Awards. Ok, mais les Game Awards, c'est 2014. C'est ça. C'est pour ça que j'ai juste trouvé à partir de 2014. T'avais tout à fait raison. En partie. Ça explique tout. Voilà. Hey, merci les gars. fait plaisir. Là, la question que je te pose, là, ouais, c'est pour maintenant jaser, qu'on jase un petit peu de l'année 2017. Mm-hmm. Je veux dire, tu veux-tu qu'on prenne une petite pause, qu'on jase encore un autre ticket de minute? C'est une excellente idée, ça. Parce qu'on a encore des choses à se dire, je pense, sur l'année. Moi, j'avais dit qu'il y aidait, cette chronique. Ben oui. L'émission. Je laisse aller. C'est ça. Deuxième partie, avec Samuel Girard et Frédéric Simon. Au retour, restez là. Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante et toujours en compagnie de Samuel Girard et de Frédéric Simon pour une deuxième partie d'un autre gamer à un autre. On s'est littéralement pris un petit continue après ce game over avant la pause. Yay! Yay! Donc, deuxième partie de cette chronique, d'un autre gamer à un autre. De quoi est-ce qu'on parle ce coup-ci, les amis? En fait, c'est juste de prendre le temps de regarder qu'est-ce que 2017 nous a offert, mm-hmm, dans le merveilleux monde des jeux vidéo. Je commence par un petit tour de table. Dans le fond, Fred, toi, ce serait quoi le point qui t'a marqué en 2017? Bon, c'est clairement l'année Nintendo. Ouais, oui. On en a parlé un peu dans les différentes émissions. Écoute, NES, Super NES classique, la Switch, de nombreuses sorties. Mais aussi pour les mauvais coups de Nintendo sur côté marketing. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment côté disponibilité des produits. Exactement. Entre autres. Ouais, donc oui, donc une année qu'on a beaucoup parlé de Nintendo. Je suppose toi aussi, Mathieu, si je te pose la question, clairement, tu t'en vas dans la même direction. C'était aussi l'année de l'attente. Attendre pour avoir une Switch très très très longtemps parce qu'elle était tellement chère qu'avant d'avoir l'opportunité de l'acheter, entre mars et quoi... je pense novembre que j'ai acheté la Switch, donc je pense que bien des gens ont attendu après bien des choses. J'irais peut-être jeu mobile un petit peu, côté iPhone, j'ai bien aimé jouer à des petits puzzles. Je trouve que c'est encore l'année pour ça, de plus en plus pour moi. Toi? Je te dirais que oui, c'est l'année Nintendo, mais moi, un des points qui a fait mon année, c'est d'avoir enfin eu un bon jeu de Sonic. Ah, Sonic Mania. Sonic Mania qui a marqué un peu mon imaginaire. Je veux dire, ça fait depuis 1994 que j'attends un jeu comme ça, mm-hmm, que j'ai autant de plaisir à jouer avec cette mécanique-là. Et là, j'en ai eu un cette année. Donc ça, c'est phénoménal d'avoir pu me rendre là. Et t'en auras sûrement pas d'autres avant un maudit goût. Ben, ça dépend. Vu le succès de Sonic Mania, j'ose espérer qu'ils ont compris la recette. Peut-être. Mais ils ont quand même sorti Sonic, c'est quoi, Forces? Forces. Ouais, qui a pas été aussi... Il aurait dû faire, OK, on comprend ce que les gens veulent, on va pas sortir Sonic Forces tout de suite. T'sais, parce que les comparaisons sont comme inévitables. Ouais, c'est ça. Là, ils ont compris comment faire un bon jeu 2D de Sonic. Ouais. J'ai hâte qu'ils comprennent comment faire un bon jeu 3D de Sonic. Ben, tu sais, j'ai pas encore joué à Sonic Forces, puis c'est sûr que je veux au moins l'essayer. Mais j'ai hâte quand même de l'essayer. Les critiques, des fois, faut pas toujours se fier à ça. Mm-hmm. J'ai hâte de l'essayer quand même, Sonic Forces. Ouais. C'est un petit peu l'année aussi de la réalité alternative, autant que virtuelle. On a parlé tantôt de virtuelle, mais la réalité alternative, pour moi, qui est encore plus intéressante, parce que c'est pas alternatif, c'est augmenté, qu'on dit, mais bref. Où tu vois ce qu'il y a devant toi, en plus de voir quelque chose de rajouté par-dessus. Ça, je trouve ça vraiment cool sur les nouveaux iPhones, entre autres. Pokémon Go, exactement. Magasiner des meubles Ikea et voir de quoi ils vont avoir l'air dans ton salon, mais ça, c'est pas un jeu. D'ailleurs, la troisième génération vient de sortir sur Pokémon Go. Je sais pas s'il y a encore des gens qui jouent dans notre entourage. Pas mal. Mais oui, c'est ça. Donc, ça évolue. Ouais. Ça évolue. Ils tiennent leurs promesses. Et puis, il y a d'autres choses qui se rajoutent. Il parlait aussi des combats entre personnes qui s'en venaient, oui, bientôt. Là. Donc, les échanges, les combats entre personnes. Déjà, ils ont modifié le principe des arènes. Mais tu sais, je sais pas parce que je joue plus depuis un moment. Là, j'ai joué pendant l'été pendant que c'était bien populaire, mm-hmm, puis après ça, j'ai arrêté, mais bon. Les jeux indie continuent encore d'exploser, d'être de plus en plus originaux, grandioses. Et puis, à chaque année, on a des titres qui sortent et qui sont nettement supérieurs à ce que tous les grandes compagnies nous offrent. C'est ça, ils n'ont pas l'air de pas avoir de budget. Ça marche pas, ça. Mais pas avoir l'air, du coup, vous comprenez. Ils n'ont pas l'air de pas avoir de budget. C'est ça que je voulais dire, oui. Non, c'est ça, c'est. On le voit avec Cuphead. Ouais. Un jeu si simple, si agréable à jouer. Ça me donne vraiment envie encore plus. Là. Si Frédéric me l'avait déjà donné à l'envie, mais là, ça me picote. Ça me picote. Correct, là, on sait que Sam t'influence plus que moi. Hey. Oh, mais là. Ah, ben là. Tu sais que vous avez deux avis là, en même temps, fait que tu sais. Deux avis, ça pèse plus qu'un avis. Hein? Effectivement, faut que je lève mon chapeau à PlayStation d'avoir sorti un jeu comme Horizon Zero Dawn. Mm-hmm. C'est grandiose comme jeu. C'est pas un jeu qui vient me chercher, mais pour vrai, c'est un des jeux de l'année. Ouais. Écoute, c'est parfait. Le personnage principal, donc l'héroïne de l'histoire qui est merveilleuse comme personnage. Ils ont toute la formule gagnante est là pour un jeu incroyable. Mmh. Et puis, il y a eu beaucoup de twists sur. Tu sais, enfin, un personnage féminin qui pogne tout ça. Je m'excuse, mais Joanna Dark puis Lara Croft étaient là. Il y en a plein. Okay, encore ça fait... PlayStation aussi, tu sais, avec Lara Croft qui était sortie sur PlayStation 1. Mais un autre bon coup de PlayStation, mais là, il est sorti aussi sur Steam. Mais Nier Automata, qui est un autre personnage féminin en tête de liste, qui est un excellent jeu que je conseille. Rappelez-vous toujours que la clé du succès, c'est d'amener un nouveau personnage que les gens vont aimer et d'arrêter de faire des luttes pour qu'à l'intérieur d'une même franchise, on essaye d'amener des personnages différents. Ouais. Ça, c'est des fois, là, c'est... Non, c'est fait de même. Ça va me drôle me rappeler le débat de... James Bond. Est-ce que le prochain James Bond devrait être une femme? Ah. Ouais, mais c'est parce que c'est... Là, par exemple, tu te positionnes contre ça, puis... Là, t'es sexiste, c'est ça. Ouais. Non, j'avoue. Non, partez-vous une franchise avec une agente secrète, puis ça va être number one, ça va être excellent. Fait longtemps que je le dis qu'il devrait faire l'identique à ce qu'il fait avec les films de James Bond, mais de faire des films de Perfect Dark. Ben oui, pourquoi pas, ou juste un Jane Bond pour aller avec Miss Columbo puis Miss Pac-Man. Tu sais, ils ont pas fait Pac-Man avec une fille. Ils ont fait Pac. Ils ont fait quoi déjà? Miss Pac-Man. C'est bizarre parce qu'en tant que tel, c'est Madame Monsieur. Bon. Ouais. Miss Pac-Woman. Ouais, c'est ça. This pack's a punch. On parlait de jeux indépendants tantôt, ça me ramène un petit peu à l'idée de l'attente que j'ai mentionné tantôt par rapport entre autres à la console virtuelle chez Nintendo, tout ce qui est jeux rétro en ce moment. Pourtant, c'est super gros à la mode, puis Nintendo se tarde un petit peu là-dessus. Là. Pas mal, je trouve. Il en sort un peu, mais pas tant. Je te dirais, faut être très prudent avec la réalité virtuelle. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une phase qui va passer rapidement, comme la Wii, le Kinect, ça a passé vite. Mm-hmm. Moi, c'est vraiment ça, comme ça que je vois la réalité virtuelle. La réalité virtuelle va avoir des bienfaits pour... si on prend des exemples comme la médecine, maintenant on fait passer des examens médicaux avec les futurs médecins, on vérifie tous leurs signes vitaux, comment ils tremblent, ces choses-là, et tout se transpose dans une réalité virtuelle où on fait des opérations, ces choses-là, pour visiter, pour faire toutes sortes de simulations. La réalité virtuelle va avoir ses effets, je peux même embarquer la pornographie là-dedans parce que ça a été tellement abordé. Les Game Awards vont avoir cette catégorie. Ouais, c'est ça. Mais pour ce qui est du gaming, oui, ok, il y a une certaine expérience au niveau des jeux d'horreur ou certains jeux d'action qui peuvent être intéressants, mais je pense quand même que la mode va passer vite et que le bon vieux gamer de salon de s'asseoir avec sa manette, ça revient, on revient tout le temps à ça, peu importe ce qu'on amène comme nouveauté. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu le principe aussi avec Skyrim qui va sortir la version en réalité virtuelle. Ça me donne pas plus le goût de jouer à Skyrim qu'il soit en réalité virtuelle. Puis je pense que, de toute façon, c'est un jeu dans lequel t'investis tellement d'heures qu'une année, je serais tanné d'avoir le casse à la tête et de faire... Ah, ça donne chaud, croyez-moi, je l'ai essayé. Ok, c'est l'essayer. Oh, que ça donne chaud. Incroyable. Puis tu sais, j'ai le goût d'aller m'asseoir dans mon salon puis de jouer tranquille à mon jeu. Tu veux pas se tuer, là. C'est ça. Tu joues, là, tu sais. Je crois aussi que c'est un peu un phénomène de mode. Ouais. Surtout pour les jeux du genre Skyrim, entre autres. C'est comme la 3D. Donc, c'est bien qu'on en ait parlé. Je me suis sûrement mal exprimé dans l'expression console virtuelle tantôt. En fait, je voulais qu'on parle de jeux rétro sur la Switch. Oui, ok, parfait. Mais ça va, c'est parfait qu'on ait parlé de ça. Mais ouais, console virtuelle qui prend son temps à arriver pour les jeux rétro sur la Switch. Switch. J'espère que ça va être en 2018 qu'on va enfin avoir notre galerie rétro-compatible. J'espère aussi, ouais. Parce que les gens ont une très grande demande pour le rétro. Ouais. Comme Fred l'a dit tantôt, on le voit très bien avec la NES classique, la SNES classique. Là, ça, c'est un incontournable. Est-ce que tu penses qu'ils sortent pas la Virtual Console justement pour pas défaire le profit qu'ils vont faire avec leur petite console miniature? C'est pas impossible. Ouais. Pas qu'est-ce que t'en penses, Fred? Peut-être, mais en même temps, pour l'instant, j'ai pas de Wii U, puis j'aimerais quasiment ça avoir une Wii U juste pour avoir la console virtuelle. C'est ça. Faut que tu gardes ton ancienne console. C'est ça. C'est j'ai ça. Gardé mon ancienne juste pour ça, puis quelques petits jeux qui sont pas. Et en même temps, là, il y a d'autres moyens, tu sais, de s'en procurer quand même des jeux, puis tu sais, sur émulateur ou whatever. Mais tu sais, ce serait le fun d'avoir la rétrocompatibilité sur Switch, comme sont en train de le faire sur Xbox, comme devrait faire sur PlayStation. Hey, faites-vous aussi. Pas battre par Microsoft, Nintendo, comment? Ça serait un peu insultant, je pense. Hein? Je dis ça comme ça. C'est... Parlant de Microsoft, ils ont fait un bon coup cette année, Microsoft, dont j'étais pas au courant, mais c'est les premiers à avoir adapté une façon de mapper les manettes. Pour les gens qui ont qui ont un certain handicap, donc t'as la possibilité maintenant de pouvoir jouer seul en pouvant répartir tes boutons sur deux manettes. Oui. Donc si t'es plus limité au niveau de tes mains, tes membres, quoi que ce soit, ben t'as certaines façons de pouvoir t'arranger pour jouer à certains jeux. Et ça l'ouvre une grande porte pour bien des gens. Mm-hmm. C'est pas mauvais comme façon de faire les choses. Très bonne chose. Un peu comme Apple est très, très ouvert sur tous les handicaps, ben Microsoft commence à faire un peu la même chose, mais sur les consoles de jeux vidéo. Ouais, tu peux contrôler un iPhone avec tes yeux. Ben, je trouve ça vraiment intéressant et spécial de voir à quel point la technologie a avancé, que maintenant les manettes ont des mémoires, puis que tu peux faire des choses spéciales avec tes manettes. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est on a évolué de la Dreamcast avec les petits jeux sur sa manette. Hey, oui. Donc, on est parti il y a 20 ans avec Windows 64 où ça prenait 3 mains pour tenir correctement la manette. Et là, maintenant, avec une main ou quelques doigts en moins, tu peux jouer à tes jeux. C'est ça. Quoique maintenant, aussi, il y a les catégories de speedrun qui se font à deux joueurs sur la même manette ou des trucs du genre. J'ai pas fait ça avec Rock, l'animateur de Mathieu. Non, j'ai vraiment pas fait ça. Est-ce que c'était un échec total, c'est ça? On a fait Mario 64 120 étoiles en 4 heures. En tenant, mettons que moi j'ai ma main gauche qui tient joystick le Z et Rock avec sa main droite tenait les boutons A, B et la caméra. Ouais. 4 heures les 120 étoiles de même. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Écoute, faut se parler beaucoup là. Ouais. C'est très très compliqué, surtout ouais, quand surtout quand que tu veux faire un long jump, que c'est moi qui a le Z et c'est Rock qui a le A. Ouf. Faut être timé pis pas à peu près. Tu vas sur un beat, tu choisis une chanson de métal que vous aimez tous les deux. Bam, bam, bam, bam, bam. Ouais, c'est ça, exactement. On a fait GoldenEye aussi, comme okay. Ça. Écoute, c'est des heures de plaisir, mais c'est ça. Il y a beaucoup de catégories de même qui ouvrent des portes. On a quelqu'un qu'on connaît, Fred, qui a fait A Link to the Past 100%, les yeux bandés. Il a tout appris par cœur, puis il s'est donné des setups pour que si je dois être là, je me ramasse dans le coin là, j'ai juste à monter, puis après ça, l'autre mur, je tourne là, puis il s'est tout patenté le jeu comme ça pour se retrouver. Mais j'aime ça tellement, c'est les gens qui se donnent des défis. Comme... Avez-vous vu la capsule sur YouTube sur le gars qui réussit à atteindre la fin de Mario Odyssey sans sauter une seule fois? Ah, oh, ça, c'est incroyable. Et en plus, il a comme fait le tour du jeu pour réaliser que quand tu parles à quelqu'un, ça active le saut parce que c'est le bouton A. Fait que là, il faut qu'il arrive avec quelqu'un puis qu'il fasse un glissement ou un saut spécial pour arriver à zéro saut à la fin. Ça, on parle de jours et de semaines d'efforts, là. Des semaines, probablement. Ah non, c'est de toute beauté. Puis il y a beaucoup de jeux comme ça, des jeux rétro. Il y a des catégories qui se font. On l'a vu pour Mario 64. J'en reviens encore à ce jeu-là. Quelqu'un qui a réussi à aller chercher. Tu sais, dans le premier tableau, là, t'as une île flottante, là. Puis t'as une étoile en haut. Oui, oui. Bon, mais il y a une catégorie qui a été faite sur aller chercher cette étoile-là sans toucher au bouton A. Oui, avec des Goombas, quelque chose comme ça. Hein. C'est ça, il me semble. Ils sont capables. Des sauts spéciaux, c'est ça. Tu peux comme glitcher le jeu en battant des Goombas. Puis le jeu, faut comme qu'il déplace le sprite ailleurs. L'image du Goomba. C'est ça, on est capable de manipuler ça pour amener les Goombas pour se faire un pont entre le haut de la montagne et l'île flottante. Du monde vraiment, vraiment intelligent et qui ont beaucoup de temps. Beaucoup trop pour moi. Ouais, c'est ça. Banjo-Kazooie est en train de subir le même sort. Je vois beaucoup de capsules de gens qui essaient de réussir des parties de jeu sans toucher à certains boutons. C'est hallucinant. Il n'y a pas de fin à ça. Non, c'est... C'est toujours le fun à regarder. Ouais, c'est la joie des jeux vidéo. Il n'y a pas de fin. Puis avec Fred, on est en plein dans le meilleur monde actuellement pour tout voir ces choses-là arriver. Ouais. Eh oui. C'est de toute beauté. La vie est belle. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué en 2017? Je sais pas. Moi, oui. Pokémon qui a annoncé qu'il ferait son dernier jeu sur 3DS avec Ultra Moon, Ultra Sun. J'en avais parlé, je fais comme, ok, ça ressemble beaucoup à Sun and Moon. Je me suis laissé une chance, je me suis rendu jusqu'à la fin, beaucoup de surprises à la fin. Ah? Quand même. Quand même. Est-ce que la 3DS a un grand futur, selon vous, dans les prochaines années? Je pense que 2018 va peut-être être la dernière année de cette console-là. Ouais, hein, parce c'est un peu une prédiction que je peux faire. Là. Son utilité est moindre maintenant que la Switch est sortie, sauf que c'est la seule façon de jouer à des jeux de Nintendo DS et plus. C'est encore la 3DS. Il n'y a pas de façon de jouer encore sur la Switch. Une autre opportunité manquée, d'après moi, de la part de Nintendo. Oui, mais au moins, il y a la rétrocompatibilité sur 3DS. Ouais. Je saute bien. Ah, c'est pas fou, ça. Bien dit. Vous pensez à ça? Oui, on peut jouer des jeux de Game Boy et d'autres choses qu'on peut aller chercher sur le eShop. Mm-hmm. Mais sinon, je pense un peu comme Sam que la fin de la 3DS arrive peut-être justement avec l'arrivée de la Switch. Mais encore, la Switch a quand même quelques ratés. Côté, par exemple, autonomie, elle peut pas durer des heures comme la 3DS le fait. C'est quand même lourd pour jouer longtemps. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a un futur pour une Game Boy Mini? Comme une NES Mini. Juste un petit Game Boy porte-clés. Non, je crois pas. Non, hein, non. Je mets plus mon argent sur la N64. Ouais, je pense que ça devrait arrêter là. Ouais. Non, moi, je verrais un Game Boy sortir. Édition anniversaire Game Boy avec la compatibilité. Faudrait pas avec qu'il soit mini. Faudrait qu'il soit grandeur un peu Game Boy couleur ou ces choses-là, qu'il y a lumière intégrée, tout ça. Tout à fait. Et qu'il y ait juste plein de jeux dedans. Ouais. Ça, je suis tellement d'accord avec ça. Ça se vendrait, ça. Ça aurait même pas de bon sens. Oui, mais dans le fond... Un Game Boy Color, style Color, parce que c'était vraiment l'item de collection, c'était le Game Boy Color. Le Game Boy SP est moins esthétique. Le SP, ben, je le trouve beau, le SP, mais je le trouve difficile à tenir, pas assez large. Moi, mon format préféré, c'est le Game Boy Advance à l'horizontale. J'aime beaucoup son format. Oui, ben, le format DS, 3DS, se tient très bien. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est un bon format à avoir. Rapidement, finissant, vos souhaits pour 2018. Oh! Oh là là. Switch. Ça a été quelque peu annoncé avec le titre qui est sorti dans un événement à Los Angeles, Metroid Prime 4. Mm-hmm. Mais je sais pas si ça va sortir nécessairement en 2018. Sinon, que la Switch continue de m'impressionner en 2018. C'est ça. Moi, j'aimerais vraiment qu'on nous annonce un nouveau Donkey Kong Country, troisième du nom, après en avoir eu un sur la Wii et un sur la Wii U. On est dû pour en avoir un sur la Switch, là. Hey, c'est pas fou, c'est ça. C'est le fun. Au moins, si pour commencer... Faites-moi un remake des deux premiers pour la Switch. All right. C'est mon souhait. All right. De mon côté, moi, c'est je veux voir la Switch grandir. Oui. Une suite à la Switch? Ouais. Il y a Rock qui m'a texté qui souhaite NHL sur Switch. Ah, ben oui. Oh, OK. Parce que c'est difficile de jouer un jeu de hockey sur les jeux vidéo. Il y en a. Ils sont partout. Ouais, effectivement. Et j'aimerais ça voir une diminution du pay-to-play. Ah, j'avoue, non, mais ça, sérieusement, là. Donnez-nous le jeu au complet, là. On n'a pas besoin de payer à chaque tableau. Là. Oui, ou pour acheter une caisse qui va peut-être te donner un item. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Il y a plein d'affaires comme ça. C'est comme les amiibo qui te donnent genre une scène dans certains jeux. Ça sert à rien. Le fléau du gaming. C'est ça. Ils nous font payer pour plein d'affaires. Donc, c'est mes souhaits pour 2018. Là. On souhaite une très belle année de jeux vidéo. Jouer plus qu'avant. Jouer plus qu'en 2017 dans mon cas, un petit peu plus. Pendant les fêtes, je vais remonter ma moyenne. Oh, nice. Je pense que moi aussi. Ouais. Ça ressemble à ça, moi aussi. Ouais, good. On se retrouve, tout le monde, en 2018? Ben, oui. Hein? On annonce notre retour live. Yeah! J'ai fait ça avec tous les chroniqueurs de toutes les émissions. Donc, on se retrouve en 2018, encore en alternance, une fois de temps en temps. Samuel, quand ça la donne, puis Frédéric aux deux semaines. Pas mal ça. Ça ressemble à ça pas mal, oui. Formule gagnante. Oui. Jusqu'à maintenant. Et j'espère d'autres chroniques à trois. J'espère aussi. Je pense que ça pourrait se faire. Good! Hey! Merci Samuel Girard. Ça fait plaisir. D'avoir participé à la chronique officiellement de Frédéric Simon. D'un autre gamer à toi. Ben oui, ça fait plaisir. On vous écoute à Matière Noire. C'est les mardis soirs à 21h. Vous avez déjà complété votre rétrospective de 2017. Oui, on va se retrouver en janvier. Voilà, mais ça repasse vendredi pour ceux qui nous suivent. Exactement. En directo! Hein? C'est quoi en direct en espagnol, je sais pas. C'est pas grave, les gens ont compris. Ça doit être ça. C'est sûrement en direct. Oh. C'est pas le meilleur jeu chinois, c'est ça? Ah, c'est, oui, exact. C'était. Ah. Bon, en tout cas. Bref, merci à vous deux. On avait dit qu'on se rendrait pas jusqu'à 4h. Il est pas mal 4h. Ah, bye bye. Bye bye. On est rendu à la prochaine pause. Avant ça, on s'écoute une petite chanson. Par contre, c'est par voici Oblivion NG tout de suite au Mathieu Plante Show. Et après ça, c'est Television Television. Avec Brawl, précédé de Oblivion NG par J-R-G-E, toujours un nom difficile à dire, au Mathieu Plante Show. Et maintenant, ben, c'est Television, Television. Television Intervision, c'est la chronique où on parle de nouvelles télévisuelles, bien sûr. Commençons avec quelque chose de québécois. On fait la programmation 100% terreur de la chaîne Frisson TV, qui est maintenant accessible aux abonnés de Bell. À la nouvelle chaîne qui est même en grand débrouillage en ce moment. Donc, les abonnés de Bell 5 et Satellite ont accès à la toute nouvelle chaîne spécialisée Frisson TV, dont on parle depuis quand même quelques mois, est en nombre depuis le 1er septembre ailleurs. Frisson TV qui est offerte en grand débrouillage aux clients de Bell jusqu'au 19 janvier. Et en décembre et janvier, Frisson TV propose plus de 110 longs métrages. Et à compter de 15h le 24 décembre jusqu'à 6h le 26 décembre, un marathon de films mettant en vedette le Père Noël et ses amis pour un Noël tout rouge de sang. Frisson TV, j'ai regardé quelques extraits. C'est pas une chaîne, avec un grand budget, mais quand même, ça a du sens, puis ils travaillent très fort, ces gens-là, donc j'encourage Frisson TV, même si c'est vraiment pas mon genre. Ensuite, toujours au Québec, la série jeunesse Maxi se déploie à l'international. Conçue d'abord pour les appareils mobiles, la série fait ses débuts sur plusieurs plateformes numériques à travers le monde. La série jeunesse Maxi, conçue par le groupe média TFO et Frima, d'abord pour les appareils mobiles, arrive sur différentes plateformes numériques internationales. Les 26 épisodes de 11 minutes seront désormais offerts sur la plateforme de vidéo sur demande Istutu.tv, oui, de Radio-Canada, sur l'application jeunesse E-Junior Kids TV des Émirats Arabes Unis, ainsi qu'aux jeunes voyageurs à bord des vols Air France et ceux de la compagnie aérienne taïwanaise Eva Air. Depuis son lancement, l'application mobile de la série a été téléchargée 8500 fois en 8 semaines. C'est pas beaucoup, mais quand même. Toujours au Québec, mais via les États-Unis, Jean-Marc Vallée qui va rester dans la grande famille de Big Little Lies. Jean-Marc Vallée qui ne quittera pas la famille de Big Little Lies, même si le Québécois ne signera pas la réalisation de la deuxième saison. Il demeurera quand même producteur exécutif de cette série de HBO. Il s'impliquera notamment du point de vue créatif pour que l'essence de la série reste la même. La société montréalaise Fake Digital Entertainment, qui travaille avec la post-production, oui, de tous les projets de Jean-Marc Vallée depuis Crazy, rencontrera la réalisatrice de la deuxième saison, Andrea Arnold, pour discuter d'une possible collaboration sur la saison 2. À propos des 6 sélections aux Golden Globes pour Big Little Lies, apparemment qu'ils sont très ravis. Le président de l'entreprise, Fake Digital, a dit, je cite, « Ne faisons pas ça pour les prix, mais c'est agréable. Il faut dire que HBO nous laisse l'espace pour faire du cinéma à la télé. » Un article de La Presse. On va aux États-Unis où NBC veut un remake de The IT Crowd, porté par le créateur de la série. D'après Variety, NBC travaille encore une fois, mais cette fois-ci avec le créateur de la série anglaise The IT Crowd pour proposer un remake à l'américaine. Je dis encore une fois parce qu'il y avait déjà eu un plan pour une série américaine avec Joel McHale. Arrivé récemment donc sur Netflix, la série anglaise culte de Channel 4, The IT Crowd, pourrait bien avoir le droit à son remake. D'après Variety, la chaîne américaine NBC serait en train de travailler à une réinvention du show avec un nom important attaché au projet, celui de Graham Linehan, qui n'est autre que le créateur original. Celui-ci ferait office de scénariste et de producteur exécutif sur cette nouvelle version. Une bonne nouvelle, même si rien n'est signé. Il s'agirait de la troisième, en fait, j'ai dit deuxième, mais c'est la troisième, j'étais même pas au courant, tentative de NBC d'adapter The IT Crowd, avec des échecs dès les épisodes pilotes en 2007 et en 2014. Cela dit, avec l'ajout de Linehan, cette fois-ci, les chances que le projet aboutisse sont assez bonnes, nous dit BigGeek.fr. Lancée en 2006, la série d'origine est composée de 24 épisodes de 25 minutes et d'un épisode final de 45 minutes. The IT Crowd suit les employés du département informatique d'une grande entreprise. Le quotidien pas toujours glorieux de deux geeks, soit Roy, joué par Chris O'Dowd, et Maurice ou Moss, joué par Richard Ayoade, bouleversé quand arrive l'inexpérimenté Jen, joué par Catherine Parkinson, dans leur bureau en tant que chef du service. Le reste du casting original est notamment composé de Christopher Morris, Noel Fielding et Matt Berry. On ne sait pas encore qui jouerait dans la version de NBC. En 2007, c'était, comme je disais tantôt, Joel McHale, Jessica St. Clair et Richard Ayoade qui jouait aussi son propre, pas son propre rôle, mais le rôle qui venait de la série britannique. Parlant toujours de série britannique, mais la version américaine, un retour de The Office qui serait en projet chez NBC. Ça a été évoqué l'été dernier, mais le retour semblerait se concrétiser sur NBC. En plus du remake, comme je disais, de The IT Crowd, NBC semble vouloir faire revenir l'une de ses séries phares, The Office. D'après TV Line, la chaîne compterait proposer un revival déjà de la sitcom en proposant un mélange d'anciens et de nouveaux acteurs. Toujours employé à la branche de Scranton dans la vente de papier chez Dunder Mifflin. Donc, ce serait une suite qui pourrait arriver pour la saison 2018-19. Toujours d'après le média et sans confirmation officielle de la part de NBC, Steve Carell ne devrait pas être de retour. Lui qui avait quitté avant la fin de toute façon dans la peau de Michael Scott. Il avait manqué les deux dernières saisons. La chaîne serait en train de chercher un remplaçant pour diriger ceux qui seraient de la partie. Le casting principal était composé de futurs, à ce moment-là, vedettes internationales. Rinn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, BJ Novak, Angela Kinsey, Oscar Nunez, Brian Baumgartner, Ed Helms, Leslie David Baker, Phil Smith, David Koechner, Ellie Kemper, Mindy Kaling ou encore Craig Robinson. Beaucoup de ces gens-là, comme je disais, sont très très occupés en ce moment, donc on va voir qui pourrait potentiellement revenir. La version américaine de The Office a été diffusée pendant 9 saisons, de 2005 à 2013, et le potentiel retour est évoqué régulièrement depuis des années, mais il semblerait bien que le relancement réussi de Will & Grace a motivé NBC. Ensuite, le dessin animé de Stephen Colbert s'en vient officiellement et la bande-annonce numéro 1 est sortie pour la série Our Cartoon President. Oui, oui, basé sur le dessin animé de Donald Trump, avec le visage de Donald Trump, oui, au Late Show de Stephen Colbert. Donc le spin-off relié à Trump, ça va être sur Showtime à partir du 11 février. Our Cartoon President mettant en vedette une version animée du président Trump. Ça va être génial, allez voir ça, ça va être pour 10 épisodes. Et Colbert ainsi que son producteur exécutif au Late Show, Chris Licht et RJ Fried seront co-producteurs exécutifs. Et il y en a un quatrième, Tim Lucky. Il y a plein de noms que je ne sais pas comment on les prononcer. Tim Luke, qui sera aussi lead animator, donc celui qui va s'occuper de gérer l'animation comme dans les dessins animés, selon ce que Showtime a dit. Toujours aux États-Unis, le patron de ESPN a démissionné. Oui, le président donc, de la grande chaîne câblée sportive américaine a annoncé sa démission, invoquant un problème de dépendance à la drogue ou à l'alcool sans aucune autre précision. Je cite, « Je lutte depuis des années avec des problèmes de dépendance. J'ai décidé que la chose la plus importante que je puisse faire actuellement est de m'en occuper. » A-t-il annoncé cet homme de 61 ans dans une déclaration publiée par la chaîne qu'il présidait depuis 2012. Il dit qu'il a annoncé sa décision à la société et qu'ils ont mutuellement convenu que démissionner était la décision appropriée. La direction de la chaîne a indiqué que Skipper serait remplacé par George Bodenheimer, qui a dirigé la chaîne de 1998 à 2011, en attendant que Disney, qui est la maison mère de ESPN et de la planète au complet en ce moment, ait trouvé un successeur permanent. Cette annonce intervient alors que, ben c'est ça, Disney qui vient d'annoncer le rachat d'une partie de l'Empire Murdoch. Vous avez assez entendu parler de ça pour que je ne résume pas tout, mais entre autres les chaînes sportives régionales de la 21st Century Fox, le spin-off de 20th Century Fox. Donc on s'interroge sur l'avenir des chaînes câblées face au boom des plateformes de vidéo à la demande. Une récente enquête du Boston Globe d'ailleurs a exposé récemment une culture de harcèlement sexuel au sein de ESPN, ce qui a terni la réputation de la chaîne. Netflix a filmé des réactions de chats. On va sur Internet, oui, devant Stranger Things. Question de créer le buzz, Netflix a compilé les réactions de chats de certains de ses employés à une scène bien précise de la saison 2 de Stranger Things. Petit spoiler, on va éviter de lire ce paragraphe-là complètement. En disant qu'il y a un avertissement au début de la vidéo qui dit que cette vidéo peut choquer les chats. C'est mignon, quand même. Évidemment, des chats sur Internet, il n'y a rien de plus fun que ça. Hein? Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Ensuite, on va dans un nouveau magasin, un genre de club vidéo, si on veut, chez Alamo Drafthouse, qui va avoir des DVD, des cassettes VHS et plein de nostalgie des années 90. Donc, Alamo Drafthouse qui répond à votre envie de nostalgie avec un magasin, une boutique où on peut louer des vidéos sur VHS comme si on était en 1999. C'est Variety qui nous rapporte ça. Video Vortex va faire partie de 11 succursales de ces cinémas à Alamo Drafthouse à Raleigh en Caroline du Nord. Plus de 30 000 courts-métrages, films et séries télé sur VHS, DVD et Blu-ray dans son inventaire. Le magasin devrait être une des plus grandes archives vidéo qui existe sur la planète. Donc en plus des classiques, il va y avoir aussi des titres très rares qui n'ont jamais été disponibles sur des plateformes numériques. Video Vortex va fonctionner exactement comme les magasins de location de vidéos que vous vous rappelez d'avoir fréquenté dans le temps. Il y en a qui fréquentent apparemment encore ça. Donc vous allez vraiment chercher une cassette, trouver le film que vous voulez regarder et vous allez la louer. Et après ça, revenir au magasin après un certain nombre de jours, comme dans le temps. Hey! Je pensais qu'on avait mis ça derrière nous parce que c'était une très très très mauvaise idée de continuer ça, mais bon, les gens qui louent des DVD et des Blu-ray vont aussi avoir l'option de les retourner par courrier à la le début de Netflix. Bon, ils font encore ça aux États-Unis, mais pas ici. Étant donné que la technologie VHS n'est pas aussi commune que dans le temps, imaginez-vous, Alamo va rendre des vidéos, des magnétoscopes VCR, VHS, en plus d'adaptateurs RCA pour votre télé HDMI. Pour vrai, ça va être malade. Video Vortex qui va ouvrir en début 2018. Et comme on disait dans le temps, soyez gentils et rembobinez vos cassettes avant de les ramener. On reste, on va en ligne. Celui-là, je l'ai mis en ligne, mais c'était pas vraiment en ligne, je sais pas pourquoi. On parle de Canadiens entre les 12 et 25 ans. On visionne du contenu en ligne au quotidien à plus de la moitié de ces gens-là. Donc, une nouvelle enquête du Cifrio qui démontre que le visionnement connecté occupe une part importante du quotidien des 12 à 25 ans. Cette habitude fait partie intégrante de leur quotidien car 57 % des participants visionnent du contenu connecté tous les jours, alors que la fin de semaine, on est près de 73 %. Les résultats dressent le portrait d'une journée typique sur Internet pour la tranche des 12 à 25 ans et montrent leur préférence d'écoute de contenu sur le web, autant pour ce qui est des appareils employés que des types de contenu visionnés, de leur langue, des recommandations d'amis et de l'environnement d'écoute. Tiré d'un sondage réalisé avec un panel web, les résultats démontrent que les habitudes de visionnement varient selon trois segments d'âge, les 12-15, les 16-18 et les 19-25 ans. En semaine, la moitié des jeunes consacrent une heure et plus par jour à cette activité, mais la fin de semaine, près de 3 jeunes sur 4 en font autant. Les moments consacrés au visionnement connecté la fin de semaine sont répartis dans l'ensemble de la journée. 86 % des jeunes visionnent du contenu en ligne en soirée la semaine, comparativement à seulement 56 % qu'ils font au même moment durant la fin de semaine. Les données démontrent aussi que le visionnement connecté se passe surtout en solitaire et principalement à la maison. Vous pouvez aller voir plus de détails, dont des détails sur l'offre francophone des médias numériques sur assemblagewiki.com, une enquête qui a été réalisée en collaboration avec l'équipe de recherche Jeunes et Visionnement Connecté de l'UQAM et de Léger Recherche. Finalement, les soirées télé entre amis sur le point d'être ubérisées. Si les solutions ne manquent pas pour arrondir ses fins de mois, comme rester évaché sur son divan devant la télé, ça remporte assez haut la main la palme de la chose à faire pour les paresseux. Eh bien, on vous dit que vous pouvez gagner de l'argent tout en regardant votre série préférée. À l'instar d'un genre de Airbnb, la plateforme Come to My Spot encaisse le montant fixé pour participer à la soirée, profiter des boissons et autres collations, de quoi générer un bénéfice à chaque soirée pour l'organisateur. Si certains ont fait un revenu complémentaire, beaucoup le font avant tout pour passer du bon temps et se faire de nouvelles connaissances. Donc littéralement, aller regarder la télé chez du monde. La startup permet d'organiser chez soi une soirée avec de parfaits inconnus autour d'une passion commune, émission de télé, jeux vidéo, match de football, dégustation de vin, poker, jeux de société, un concept qui est inspiré du covoiturage et qu'on appelle le co-glandouillage sur divan. Et parmi les activités proposées par l'application, ce sont les soirées télé qui remportent le plus de succès. Donc c'est cometomyspot.com. Voilà, pour Television, dans quelques minutes, ce sera le segment Merci Science. Avant ça, on écoute une pièce de l'album Jet Cat Adventure Original Soundtrack. Donc, c'est une trame sonore de jeux vidéo par le compositeur espagnol Paz Cian. C'est un maxi qui est disponible sur Bandcamp, la trame sonore du jeu Jet Cat Adventure. On écoute deux pièces, une pour commencer, on en jouera une autre après la prochaine chronique. Les chroniques sont courtes aujourd'hui, fin d'année, il se passe pas grand-chose. Donc, Paz Cian avec Jet Cat Adventure. Tout de suite, on met sur le plancher. Persian avec la chanson thème du Jet Cat Adventure sur la trame sonore Jet Cat Adventure Original Soundtrack. On entendra une autre pièce tout à l'heure, mais avant ça, c'est Merci Science. Merci Science qui remercie la science d'exister. Commençons par le cerveau des femmes qui atteint la maturité avant celui des hommes. Des chercheurs espagnols et français ont réalisé une vaste étude et comparé près de 3000 IRM. Ils voulaient savoir comment évoluait le cerveau au cours de la vie et quelles étaient les différences entre celui des hommes et celui des femmes. Des chercheurs du CNRS, l'Institut des sciences, c'est de quoi? Est-ce que la page va changer à temps? L'Institut de sciences, de l'information et de leurs interactions, le CNRS, voilà. De l'Université de Bordeaux et de l'Université Polytechnique de Valence en Espagne ont étudié des images de cerveau à tous les âges de la vie. Allant du bébé de quelques mois à des adultes de plus de 90 ans, ils voulaient mieux comprendre les évolutions du tissu cérébral au fil du temps. Les scientifiques ont utilisé la plateforme VolBrain, un outil accessible en ligne. Mise en ligne en 2015, elle a déjà analysé plus de 53 000 IRM et est devenue une référence internationale pour l'étude du cerveau. Leurs résultats paraissent dans la revue Human Brain Mapping. Les chercheurs ont observé une augmentation de la matière grise de 1 à 8-10 ans, puis une diminution. Mais c'était pas vrai pour toutes les structures cérébrales. Par exemple, l'hippocampe avait une maturation plutôt longue. Cette étude a permis d'identifier la taille normale de chaque structure cérébrale pour un âge et un sexe donné. Elle pourra donc servir d'outil pour détecter les anomalies cérébrales, souvent synonymes de pathologies. Par exemple, un patient dont l'hippocampe a un volume inférieur à la normale risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Mais ces travaux ont aussi révélé des différences dans le développement du cerveau de l'homme et celui de la femme. D'une part, le cerveau des femmes arrivait à maturité avant celui des hommes. D'autre part, après 80 ans, le cerveau masculin subissait une atrophie plus rapide que celui des femmes. Un article de Futura Science. On reste chez Futura Science avec les petits garçons qui préféraient les poupées aux camions. À 5 mois, les petits garçons comme les filles du même âge manifestent davantage d'intérêt pour les poupées que pour les voitures. De quoi remettre peut-être en cause les cadeaux de Noël. Les camions, c'est pour les garçons, hein, comme on dit dans les clichés stéréotypes. Et les poupées, c'est pour les filles. Ces informations, un petit peu légèrement sexistes, pourraient tomber à l'eau, au moins pour les premiers mois de la vie des bébés. En effet, une étude menée par Paola Escudero de l'Université occidentale de Sydney a remis en cause ces schémas traditionnels. Notre société est-elle vraiment équitable? Demande-t-elle. A priori, non. Les origines ethniques ou sociales peuvent favoriser ou au contraire désavantager dans certains contextes un genre ou l'autre. Globalement, les schémas familiaux et professionnels restent le plus souvent de l'ordre du traditionnel. Les femmes réalisent toujours l'essentiel des tâches ménagères, alors que ça pourrait rendre les hommes heureux pourtant d'y participer, et n'occupent globalement pas les mêmes fonctions que leurs homologues masculins. La distinction commence même dès le plus jeune âge. Les petites filles reçoivent en cadeau des poupées et des costumes de princesse, alors que les garçons se voient offrir des camions et des Lego. J'essaie de pas embarquer là-dedans. Se pose alors aux scientifiques la question de savoir ce qui relève du naturel et ce qui tient du culturel. Ben, c'est là le problème. Des études précédentes tendent à montrer qu'effectivement, dès 6 mois, les garçons préfèrent les jouets à roulettes, alors que les filles demandent davantage à prendre soin d'un poupon. Une propension qui relèverait du moins partiellement de l'inné, si on en croit les résultats d'une recherche de 2008 menée chez les macaques. Les mâles testés préféraient intrinsèquement les voitures, tandis que les femelles avaient des goûts bien plus variables. Cependant, un article publié en 2013 dans le Journal of Experimental Child Psychology a jeté un peu le trouble et sous-entend que ces préférences ne seraient pas forcément observées dès la naissance. Paola Escudero et ses collègues ont recruté 24 garçons entre 4 et 5 mois et autant de filles du même âge. Ils ont également fait participer 48 adultes des deux genres à l'expérience. Le principe est simple et fréquemment utilisé dans les recherches menées sur les bébés. On suit leur regard en considérant que ce qui est épié le plus longtemps est préféré par les nouveau-nés. Ainsi, les photos de visages d'hommes, de femmes, de jouets, de poupées, de voitures et de fours ont été présentées à tous les participants. Tous les groupes manifestaient plus d'attention pour les visages réels, surtout pour ceux du sexe opposé, même chez les tout-petits. Quant aux objets, les poupées fascinaient davantage les bébés que les voitures, y compris chez les garçons. Pas de différence liée au genre dans la petite enfance, donc. Restera aux chercheurs à déterminer les raisons qui poussent les deux sexes à préférer spontanément un type de jouet plutôt qu'un autre. Trois pistes ont été avancées, un changement physiologique, les différences dans le développement cognitif et la pression sociale. Quoi qu'il en soit, il ne faut en aucun cas faire des généralités, nous dit-on. Les garçons ont aussi le droit de vouloir une poupée ou les filles un camion de pompier. Ça révèle aucun dysfonctionnement particulier, simplement un désir d'enfant facile à combler. J'aime des morales comme ça, pour vrai, je trouve ça parfait. Continuons avec les deux nouvelles lettres de l'alphabet génétique. Toute forme de vie sur Terre repose sur les quatre lettres A, C, T et G qui, mises bout à bout, forment les gènes, autant ceux des bactéries que les nôtres. Voilà que des scientifiques commencent à ajouter deux lettres à l'alphabet et qu'une bactérie est capable de s'en servir. Déjà en 2014, une équipe de l'Institut Scripps en Californie avait annoncé dans la revue Nature être parvenue à insérer deux lettres supplémentaires, donc des nucléotides baptisés X et Y, dans une bactérie E. coli. nucléotides qui avaient ensuite été transmis aux générations suivantes chaque fois que la bactérie se divisait. Reste à voir si ces lettres supplémentaires étaient fonctionnelles, et c'est ce qu'une autre équipe de l'Institut Scripps, toujours dirigée par Floyd Romsberg du département de chimie, prétend avoir accompli, produire de nouvelles protéines sur demande. C'est ce qu'on lit dans une édition de Nature. À long terme, l'objectif est de produire des protéines qui auraient un usage pharmaceutique, mais qui ne sont pour l'instant pas produites naturellement par les êtres vivants. Les chercheurs ont démontré qu'il était possible à une bactérie de produire de telles protéines étrangères et qu'il leur était possible de les récupérer. Reste à voir s'ils pourront produire des protéines qui serviront à quelque chose plutôt que d'être une simple curiosité scientifique. On poursuit ça avec Med & Chill, un projet pour changer la vie des diabétiques. Au moyen d'un implant sous-cutané, des étudiants de l'école SOP Biotech espèrent réaliser deux choses. Surveiller le taux de sucre dans le sang d'une personne diabétique et injecter de l'insuline quand il le faut. Le projet a déjà d'ailleurs été récompensé. Changer la vie des diabétiques pour qu'ils oublient la maladie. C'est le projet de ces 6 étudiantes de SOP Biotech, l'école d'ingénieurs en biotechnologie de la promotion 2020. Ils sont en 3e année. C'est ambitieux, mais on avance sur ce chemin-là. Et leur idée à ces femmes-là est celle d'un implant sous-cutané destiné aux victimes du diabète de type 1. L'objet serait capable de mesurer la glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang, d'injecter si besoin de l'insuline, qui est l'hormone qui fait baisser la quantité de glucose sanguin, et d'envoyer une alerte en cas de dépassement des seuils maximum et minimum reçus par une application sur son téléphone au moyen d'une connexion Bluetooth. C'est le projet Med & Chill, signifiant comme prenez vos médicaments et détendez-vous. Là, c'est un genre de paraphrase. On paraphrase le Netflix & Chill. L'idée est venue de lentilles de contact proposées par Google pour mesurer la glycémie en permanence, nous dit-on. Ça fonctionnait pas très bien. Par ailleurs, il y avait des pompes à insuline qui injectent des petites quantités quand il le faut et qui évitent les piqûres pluricotidiennes, mais qui sont très inconfortables. Pourquoi ne pas imaginer un dispositif le plus petit possible qui assurait les deux fonctions, ont-elles dit. Avec un tel implant, le diabétique ne ferait plus que suivre sa glycémie sur son téléphone pour vérifier que tout va bien et avertir son médecin en cas de problème. Pour parvenir à ce résultat, l'équipe a identifié les problèmes à résoudre, notamment le matériau qui constituera la membrane en contact avec le sang et l'endroit du corps où il faudrait idéalement installer l'implant. Une question cruciale est celle de la batterie, dont l'autonomie est déterminante. Le projet Med & Chill n'en est qu'à ses débuts, mais il a déjà séduit. Fin avril, le jury composé de Dassault Systèmes pour le concours Coup de Boost l'a désigné vainqueur devant Gluten Test de SOP Biotech aussi. Il a aussi été nominé pour le concours des jeunes ingénieurs organisé par l'Usine Nouvelle. Pour l'instant, les étudiantes sont un peu dispersées par leur semestre d'études à l'international. Il y a Inès Le Breton qui est à San Diego, en Californie. Elle dit que c'est très enrichissant de découvrir des approches et des points de vue différents. Vous pouvez aller retrouver le projet Med & Chill sur Facebook. C'est Med, la lettre N et puis Chill. Et pour terminer, les jeux vidéo et la méditation, chez les personnes âgées, ça protège le cerveau, nous dit-on. Deux études récentes qui proposent deux méthodes bien différentes pour ralentir le vieillissement cérébral. Des chercheurs de l'Inserm en France ont testé les effets de la méditation, tandis que de l'autre côté de l'Atlantique, des chercheurs canadiens ont fait jouer des seniors au jeu Super Mario 64. Est-ce que vous êtes plus méditation zen sur la place? Est-ce que j'ai déjà lu cet article-là? Cet article-là me dit quelque chose. Je vais le lire quand même, il me semble que je l'ai peut-être déjà partagé avec vous, mais c'est pas grave. Donc, on était en train de dire que, peu importe votre activité préférée, que ce soit être zen sur la plage ou jouer à des jeux vidéo, deux petites études dévoilées au début du mois, l'une en France et l'autre au Canada, nous disent quelques détails là-dessus. La première, c'est une étude pilote parue dans Scientific Reports, au cours de laquelle les chercheurs de l'Inserm ont étudié le cerveau de 6 personnes expertes en méditation. Âgées de 65 ans, en moyenne, elles avaient pratiqué au moins 15 milliards de cette activité. Le fonctionnement de leur cerveau a été comparé à celui de 67 personnes d'âge comparable qui ne pratiquaient pas la méditation. Les examens ont révélé des différences dans le volume de la matière grise et le métabolisme du glucose. Plus précisément, les cortex frontal et singulaire, ainsi que l'insulaire des experts en méditation, avaient un volume ou un métabolisme plus élevé. Or, comme explique dans un communiqué Gaël Chitella, principal auteur de ces travaux, je cite, « Les régions cérébrales détectées avec un plus grand volume ou métabolisme chez les personnes pratiquant la méditation sont spécifiquement celles qui déclinent le plus avec l'âge. » À l'inverse, le stress et les problèmes de sommeil ont tendance à faire vieillir prématurément le cerveau, accroissant le risque de maladie d'Alzheimer. Dans la seconde étude parue dans PLOS ONE, réalisée à l'Université de Montréal, 33 personnes âgées de 55 à 75 ans ont dû pratiquer l'une de ces activités de manière régulière, soit jouer à un jeu vidéo en 3D, en l'occurrence Super Mario 64, prendre des leçons de piano pour la première fois de leur vie ou rien faire. L'expérience a duré 6 mois. Les participants ont passé une IRM pour mesurer leur matière grise et ils ont subi des tests cognitifs. Trois régions du cerveau intéressaient particulièrement les chercheurs, soit le cervelet, impliqué dans l'équilibre et le contrôle moteur, l'hippocampe, qui joue un rôle dans la mémoire, et le cortex préfrontal dorsolatéral. Les chercheurs ont observé une augmentation de la matière grise de l'hippocampe chez ceux qui ont joué aux jeux vidéo, mais pas chez les autres. que ce soit les témoins ou les pianistes en herbe. Les musiciens et les joueurs de jeux vidéo ont aussi eu un accroissement de la matière grise du cervelet. Pour les auteurs, un jeu comme Super Mario 64 impose à l'hippocampe de construire une carte mentale du monde virtuel décrit dans le jeu, ce qui combat le phénomène d'atrophie cérébrale lié au vieillissement. Ces résultats sont particulièrement intéressants pour la prévention de la maladie d'Alzheimer, étant donné que l'hippocampe est une cible de cette pathologie. Après l'avoir terminé cet article-là, je sais pas si je l'ai lu en onde ou pas. C'est ça le problème, tu sais, parce que j'ai des articles en rond, puis après ça, j'ai lu en onde. T'sais, la mémoire est pas capable de replacer lequel quel quel. Ah, c'est ça faire de la radio, hein? C'est tout pour Merci Science. Tout à l'heure, on fera le segment Geek CNX. Ah, vraiment court aujourd'hui, le segment Geek CNX. Mais c'est pas grave, la dernière demi-heure va comprendre aussi tout ce qui bouge. Avant ça, par contre, une deuxième pièce de l'album qu'on a débuté tantôt, celui de Jet Cat Adventure Original Soundtrack. La deuxième pièce s'appelle Aerial Pause, tout de suite, au Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. C'était Manami Matsume, compositrice emblématique de musique de jeux vidéo. Et pour ses 30 ans de carrière, elle a sorti un album solo qui traverse les époques du divertissement vidéoludique. Si vous avez déjà joué à Megaman, Derby Stallion, Shovel Knight, Mighty No. 9, vous connaissez les compositions de Manami Matsume, une compositrice japonaise qui a commencé sa carrière en 87 en étant embauchée par Capcom dès sa sortie de l'université. 30 ans au service du jeu vidéo, voilà, c'est ce qu'elle célèbre. Et elle sort donc son premier album qui se nomme Three Movements. Et on vient d'entendre la pièce Select Your Hero. Voilà. Maintenant, on va entendre une autre pièce en passant de ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est le segment Geek Scenix. CNX, c'est la chronique de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Commençons par l'anguille électrique qui serait peut-être la clé pour des implants alimentés perpétuellement. Le problème avec les technologies implantables actuelles qu'on trouve notamment dans l'industrie médicale, c'est qu'elles nécessitent une source d'alimentation. La plupart du temps, des piles, ce qui signifie que l'appareil peut se retrouver à court de jus. Les scientifiques travaillent sur le problème en étudiant l'anguille électrique. Les chercheurs du Adolf Merkel Institute, de l'Université de Fribourg et de l'Université du Michigan tentent de s'inspirer de l'anguille électrique pour créer un implant flexible et auto-alimenté. Les appareils médicaux implantables du futur, comme les pacemakers, pourraient donc ne plus être dépendants de piles. Pour l'instant, les scientifiques impriment des milliers de gouttelettes d'hydrogel sur une feuille, alternant entre solution saline et eau. Une seconde feuille avec des gouttes d'hydrogel chargées est ensuite placée juste au-dessus de la première, ce qui crée l'électricité lorsque les ions se déplacent dans les directions opposées. Selon les chercheurs, ça pourrait d'une part mener à des implants auto-alimentés, mais aussi permettre des applications dans d'autres domaines, comme des lentilles de contact pour la réalité augmentée. Il faudra cependant de longues années avant qu'une technologie comme celle-là ne soit commercialisée. Ensuite, un malware qui est capable de faire chauffer votre téléphone au point de l'abîmer. Des chercheurs en sécurité ont détecté un malware qui utilise le smartphone, le téléphone intelligent, pour miner des Moneros, à tel point qu'il peut provoquer des Moneros, à tel point qu'il peut provoquer une grave surchauffe du terminal. Certains malwares n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leur funeste dessein, quitte à endommager le matériel de leurs victimes. C'est notamment le cas de Lopi, un cheval de Troie qui installe sur les smartphones Android, toujours eux, le logiciel de minage de Moneros tellement actif qu'il fait surchauffer les composants électroniques et peut déformer la batterie d'un terminal. C'est ce que viennent de découvrir les chercheurs en sécurité de Kaspersky Labs qui ont analysé ce code malveillant et qui, après leur test, ont vu leur smartphone gonfler dangereusement. Lopi se cache dans de fausses applications porno ou de sécurité informatique, faisant parfois référence à des marques connues. Ces applications ne sont pas diffusées par le Google Play Store, mais au travers de campagnes publicitaires ou de spam par SMS qui tentent de rediriger l'utilisateur vers un site de téléchargement. Pendant l'installation, la fausse appli va demander les privilèges administrateurs et on ne peut pas y échapper, l'écran réapparaît en boucle jusqu'à ce qu'on accepte. Le malware va ensuite installer en douce 5 modules malveillants. Le proxy HTTP permet aux pirates d'envoyer des requêtes web, par exemple pour lancer des attaques DDoS, donc Denial of Service. Le webcrawler a pour objectif de souscrire automatiquement à des services payants avec facturation automatique par l'opérateur. Le module SMS permet au malware de dialoguer avec les serveurs de commande et contrôle et de valider la souscription aux services payants. Le module publicitaire affichera des bannières et des écrans de réclame, ouvrant automatiquement certaines pages web et installera des applications. Enfin, comme on l'a déjà dit, le malware est doté d'un module de minage de Moneros qui, visiblement, n'est pas encore très bien calibré vu le dommage matériel qu'il peut induire. Lopi est également doté de fonctions de protection automatique. S'il détecte le téléchargement et l'installation de l'antivirus, par exemple, il affichera une fausse alerte de malware et incitera l'utilisateur à désinstaller le logiciel gênant, en l'occurrence, l'antivirus. Là encore, ce message sera affiché en boucle tant que la désinstallation n'aura pas été validée. Le cheval de Troie qui est également capable de détecter si l'utilisateur veut désactiver ses privilèges administrateurs dans le menu paramètres. Ils ont vraiment pensé à tout. Et dans ce cas, il va procéder instantanément à la fermeture du menu. Au final, ce malware est assez complet, sophistiqué et bien architecturé. La seule chose qui lui manque est une fonction d'espionnage, mais ceci va probablement arriver dans une version ultérieure, selon les chercheurs. Et pour s'en débarrasser, l'utilisateur n'aura pas d'autre choix que de redémarrer son téléphone en mode sans échec, comme on appelait dans le temps, le safe mode, qui bloquera l'exécution du cheval de Troie. Et on pourra alors désinstaller ce trublion applicatif. C'est de vivre dangereusement pour économiser de l'argent. Ensuite, un écran qui s'auto-répare qui vient d'être inventé. Une équipe japonaise qui vient d'élaborer un prototype d'écran qui, une fois cassé, s'auto-répare par une simple pression des doigts. Un écran de téléphone qui se répare tout seul, oui, ça n'existe pas encore, mais Un produit de ce type a déjà été élaboré dans un laboratoire. Le matériau miracle, le verre à base de polyéther thiouré, a été découvert par Yu Yanagisawa, étudiant à l'Université de Tokyo, lorsqu'il préparait une glue. Les matériaux capables de se réparer existent déjà, mais pour ce faire, ils nécessitent d'être chauffés à 120 degrés ou plus. La découverte de Yu Yanagisawa est unique dans le sens où son verre se régénère grâce à une pression de doigt pendant 30 secondes, et ce, à température ambiante. Quelques heures plus tard, le verre retrouve toute sa robustesse. Jusqu'ici, on croyait que la robustesse mécanique et la capacité d'un écran à s'auto-réparer étaient impossibles à concilier dans un même appareil. Dans un polymère, les chaînes sont fortement soudées les unes aux autres, un gage de robustesse de l'écran, mais la diffusion moléculaire est très faible, ce qui empêche les liens entre les molécules de se reconstituer lorsque l'écran est cassé. La thiourée, en revanche, forme des liaisons en zigzag, sans pour autant provoquer de cristallisation superflue. La découverte faite par M. Yanagisawa a fait son chemin dans la prestigieuse revue Nature, et depuis, le jeune homme enchaîne des moments de gloire, comme une entrevue à la radio, à la télé, dans laquelle il a déclaré qu'il espère que le verre réparable deviendra le nouveau matériau écologique qu'on pourra éviter de jeter une fois cassé. C'est pas la première fois qu'un polymère a été proposé par la communauté scientifique en guise d'écran autoréparable. Par le passé, des chercheurs à l'Université de Californie ont élaboré un polymère capable de s'étirer jusqu'à 50 fois sa taille et réparer les fissures en l'espace de 24 heures. Et en 2015, LG avait intégré au dos de ses smartphones G-Flex 2, une substance capable de réparer de petites fissures. Et pour terminer, Honey Dream, pour piloter nos rêves. S'endormir facilement, se réveiller en douceur, surveiller son sommeil et expérimenter les rêves lucides. C'est ce qu'aimerait faire une équipe de l'école d'informatique Epitech, un masque connecté qui a commencé à faire ses preuves. Honey Dream, donc, c'est qu'un prototype pour l'instant, mais une deuxième version pleinement opérationnelle est promise pour février prochain. Le but recherché avec ce masque, muni de lumière, d'écouteurs et d'électrodes, est de faciliter l'endormissement, de surveiller le sommeil, de faciliter le déclenchement des rêves lucides, de repérer des pathologies et d'assurer un réveil tranquille. Tout ça. Différents systèmes existent déjà, réalisant l'une ou l'autre de ces fonctions, mais Honey Dream entend les assurer toutes. Derrière cet ambitieux projet, pas de start-up pour l'instant, mais une équipe d'étudiants de l'école d'informatique Epitech, en cinquième année, sortie parmi les vainqueurs de l'édition 2017 des EIP, le concours des projets. L'idée née 2 ans plus tôt est venue d'une conférence sur le manque de temps. Ils se sont d'abord demandé comment utiliser la durée de sommeil, et en creusant le sujet, ils ont découvert le rêve lucide. Cet état étrange est celui d'une personne qui rêve mais reste consciente et donc qu'elle sait qu'elle rêve. Le phénomène est mal connu mais étudié et soulève de passionnantes questions sur le fonctionnement du cerveau. Il peut survenir chez tout le monde, les enfants semblant davantage doués. À y parvenir volontairement est une autre affaire. L'équipe a donc commencé par un travail bibliographique sur le sommeil qui va se concrétiser par un livre de conseils et d'informations en cours de rédaction. Livré avec le masque, il fera partie intégrante d'un kit. Donc, l'utilisateur dort, le masque récupère les données des capteurs comme accéléromètre et électrode pour établir des statistiques fiables. Et grâce à l'application mobile, l'utilisateur pourra synchroniser son smartphone avec le masque par Bluetooth et visualiser ses données sous forme de graphiques détaillés. L'appareil enregistrera donc toutes les phases du sommeil et c'est sans doute là l'aspect le plus pratique de Honey Dream. L'utilisateur disposera alors de statistiques sur son sommeil et pourra en estimer la qualité et les défauts. Là, il y a beaucoup d'autres détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec des électrodes recueillant des signes de l'activité cérébrale qu'on sait aujourd'hui interpréter dans une certaine mesure, avec des accéléromètres mesurant les mouvements du dormeur, Honey Dream repère les phases du sommeil et peut en suivre le déroulement. Et le suivi permet d'obtenir des statistiques sur le sommeil et le cas échéant de réparer les problèmes. C'est aussi une aide à l'endormissement et à un bon réveil. En stimulant visuellement le dormeur juste au bon moment, Honey Dream aide à entrer dans un rêve lucide. Le reste de l'article au complet est sur assemblagerequis.com et leur site web c'est honeydream.com, O-N-I. Dream.com. Voilà pour le petit segment geek CNX. Il nous reste encore un peu de tout ce qui bouge dans quelques instants, mais avançons sans m'entendre. Encore de la musique de jeux vidéo, ça s'appelle Poké Memories Volume 2 par Pokérus. Donc, c'est un hommage à la musique de Pokémon, un hommage qui vient du cœur. Sur cet album, on écoute la pièce qui l'ouvre, c'est Fight for Peace. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. désolé d'avoir mentionné la mauvaise chose. Cette pièce-là était une deuxième pièce de l'album Three Movements de la compositrice de tout à l'heure, Manami Matsume. C'était Fight for Peace. Là, c'est vrai, on s'en va entendre l'hommage à Pokémon. Voici Pokérus et Dreams Are But Another Reality. Et là, c'est pour vrai, du vrai Pokémon. Mathieu Planchot. Avec Dreams Are But Another Reality. Sur le volume 2, Poké Memories, c'est le deuxième de 4 albums dédiés à la musique de Pokémon par Pokérus. Mm-hmm. On entendra une autre pièce pour terminer l'émission tantôt, mais avant ça, c'est tout ce qui bouge. Oui, tout ce qui bouge, la collecte de tout ce qui bouge, que ce soit à pied, en voiture, en train, en drone, peu importe. Commençons par un fauteuil roulant pour faire changement. Un fauteuil robotisé, assurément pas comme les autres, c'est le Roden. Quand on pense au fauteuil roulant robotisé, on imagine seulement une chaise roulante avec un boîtier de contrôle permettant à son propriétaire de se déplacer, quand même. Mais d'une manière générale, l'assise n'a jamais vraiment changé. Ben, maintenant ça change avec Roden. C'est par Tim Souk qui a mis au point un fauteuil roulant de nouveau genre, Roden. On peut le voir sur une petite vidéo sur assemblagerocky.com. Son design n'est pas tout à fait conventionnel. On parle d'un genre, je sais même pas comment on pourrait dire, une boule de quille avec une entrée pour s'installer dedans, si on veut. Bref, l'utilisateur s'installe de manière fort peu conventionnelle, mais tout est, semble-t-il, bien plus pratique, notamment pour interagir avec son environnement direct. Le Roden peut être contrôlé par un téléphone. Vous pouvez notamment l'appeler jusqu'à vous. Ah oui, service, garçon! L'appareil offre une autonomie de 15 km avant de devoir être rechargé. Comptez ceci dit, 8 heures pour une recharge complète. Ça peut atteindre la vitesse de 6 km/h. Donc, Roden a aussi ses limitations. On nous dit qu'il n'est utilisable que par les personnes ayant toute leur mobilité de la partie supérieure du corps. Le fauteuil robotisé Roden est actuellement commercialisé au Japon. Il devrait arriver au Royaume-Uni en 2018. Ensuite, une voiture qui sent la douleur grâce à un système nerveux. Est-ce que c'est possible? Grâce à un matériau magnétiquement sensible, des chercheurs de l'armée américaine veulent créer l'équivalent d'un système nerveux pour les un système nerveux pour les véhicules afin de que ces derniers puissent sentir les dommages et alerter sur la nécessité d'une réparation. En plus d'être autonome, la voiture du futur saura peut-être ressentir les dommages causés à sa carrosserie ou à d'autres éléments vitaux. À l'instar de notre système nerveux qui envoie au cerveau l'information sur la douleur, un véhicule pourrait en quelque sorte pousser un cri sous la forme d'un message envoyé à un ordinateur ou un smartphone. L'image est un peu forte, mais la technologie existe déjà. Une équipe de chercheurs de l'Université de Clemson aux États-Unis, financée par la US Army Research Laboratory, travaille sur un matériau qui, incorporé directement dans les éléments de carrosserie et d'autres organes clés d'un véhicule, pourrait détecter les dommages et relayer l'information. Avant d'en venir aux voitures de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ce dispositif servirait d'abord aux chars d'assaut, hélicoptères et autres moyens de transport militaire. En effet, la maintenance de ces équipements est très coûteuse. les pièces étant remplacées au bout d'une certaine durée, qu'elles soient ou non endommagées. Or, avec ce type de capteur intégré, les entretiens se feraient uniquement en cas de besoin, ce qui réduirait sensiblement les dépenses. Le matériau en question est magnétostrictif, c'est-à-dire qu'il peut réagir aux changements dans un champ magnétique ou à un stress physique. Il est inséré entre plusieurs couches de matériaux composites pour former un stratifié. Selon les chercheurs, leur invention peut détecter des impacts, des fissures et une charge anormale. L'intérêt principal du concept est que ce matériau magnétostrictif, peut être incorporé directement dans la structure de façon précise durant la fabrication d'une pièce, ce qui évite de recourir à des capteurs externes après coup. Évidemment, cette technologie présente aussi un intérêt pour les transports civils et les véhicules individuels, mais il faudra attendre au minimum 10 à 20 ans, délai que se donnent les chercheurs pour une éventuelle commercialisation. Bientôt des courses de voitures volantes! S'inspirant du rôle de précurseur technologique que joue la Formule 1 dans l'automobile, un entrepreneur australien veut accélérer le développement de la voiture volante en organisant des courses. La voiture volante qui suscite bien des projets, certains sérieux, d'autres moins. Difficile pour le moment de dire où se classe celui de Matt Pearson, un entrepreneur australien qui vient de lancer une campagne de financement sur Kickstarter pour fabriquer une voiture volante destinée à la compétition. En réalité, il ne s'agit pas à proprement parler d'une voiture volante, car l'engin ne possède pas de roues. Non, c'est pas vraiment une voiture. Il faut parler plutôt d'un drone quadrirotor caréné capable d'accueillir un pilote humain. Ça se dit très bien, c'est un drone quadrirotor caréné capable d'accueillir un pilote humain, tout le monde dit ça. L'idée peut sembler farfelue, mais le raisonnement qui la préside... se tient, à l'instar de Formule 1 qui joue un rôle de laboratoire d'essai pour les technologies retrouvées ensuite dans des voitures de série. Créer une compétition de voitures volantes contribuera à accélérer le développement de ce moyen de transport. L'engin imaginé par Matt Pearson, qui n'existe pour le moment que sur le papier, sera mû par 4 moteurs électriques brushless, donc sans balai, de 50 kW chacun, alimentés par les mêmes cellules de lithium-ion que celles utilisées dans la Tesla Model S. L'appareil nommé Aloda Mark 1 Air Speeder pourrait voler jusqu'à 250 km/h à une altitude maximale de 3,5 mètres. Sa carrosserie sera fabriquée en fibre de carbone et le châssis en aluminium aéronautique pour un poids à vide de 120 kg. L'autonomie annoncée est d'à peine 10 minutes. Ce qui, dans l'état, ne permet pas d'envisager une course digne d'intérêt. Mais qu'à cela ne tienne, un premier vol d'essai est censé avoir lieu au début de 2018, suivi un peu plus tard d'une confrontation entre deux appareils dans le désert australien. Et si tout se déroule selon les plans de Matt Pearson, le premier Airspeeder World Championship impliquant différents constructeurs devrait avoir lieu en 2020. Justement, parlant de voitures, on va parler de mini-voitures, les Iron Car. Les mini-voitures autonomes qui arrivent en France. Se tiendra donc à Paris en février, dans le 11e arrondissement, la toute première course de mini-voitures autonomes. Les participants devront accomplir le plus vite possible avec leur modèle réduit 3 tours d'un circuit sans intervention humaine. Donc je reste dire, restons dans le domaine des courses. Alors que les premières courses de voitures autonomes du projet RoboRace doivent se tenir l'année prochaine en ouverture des épreuves de Formule E, une version miniaturisée de ce concept arrive en France. Iron Car, c'est le nom de ce championnat qui verra la toute première course de voitures autonomes en modèle réduit se dérouler dans l'Hexagone. Ça se passera le 10 février à Paris. Chaque équipe engagée devra effectuer 3 tours de circuit avec une voiture uniquement pilotée par une intelligence artificielle. 2 types d'épreuves sont au programme pour favoriser l'approche technique de vision par ordinateur ou celle reposant sur un réseau neuronal. Vous pouvez aller voir plus de détails sur assemblagerequis.com. Et il me semblait que j'avais une dernière nouvelle à vous mentionner. Est-ce que c'était celle-là? Oui, au Japon. J'en avais parlé la semaine dernière et je l'avais oublié, donc finissons avec ça. Un drone pour chasser les employés qui travaillent trop. Faisant partie intégrante de la culture d'entreprise au Japon, les heures supplémentaires engendrent de graves problèmes de société et de santé publique. Et une entreprise pense pouvoir y remédier avec un drone qui patrouille dans les bureaux et incite les bourreaux de travail à partir. Au Japon, le présentéisme est perçu comme un signe de loyauté envers l'employeur. Accumuler les heures supplémentaires fait partie intégrante de la culture d'entreprise pour les salariés japonais qui estiment ainsi faire preuve de leur dévouement. Il n'est pas rare que des travailleurs cumulent jusqu'à 100 heures supplémentaires par mois. Ce comportement peut avoir des conséquences dramatiques qui vont du burn-out en passant par l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, même des fois le suicide. On apprenait récemment qu'une journaliste de la chaîne de télé NHK, âgée de 31 ans, était morte d'une crise cardiaque en 2013 après avoir enchaîné 159 heures supplémentaires en un seul mois, avec seulement 2 jours de repos. Bref, selon le gouvernement japonais, cette mort par surmenage, nommée Karoshi en japonais, a fait 191 victimes en 2016. Les autorités se battent depuis des années contre ce problème et certaines entreprises ont recours à des vigiles qui incitent les salariés présentéistes à quitter leur poste au-delà d'une certaine heure. Mais au pays où la robotique est très prisée, c'est à des drones qu'on veut confier cette mission-là. L'entreprise de BTP Taisi et le fabricant de drones Blue Innovation ont créé un quadricoptère capable de patrouiller dans les bureaux et d'encourager les salariés à quitter les lieux à partir d'une certaine heure en jouant un morceau de musique traditionnelle nommé Otao no Ikari, une adaptation de la chanson écossaise Auld Lang Syne, qu'on appelle les fonds en français, ce n'est qu'un au revoir, et qui est très utilisé au Japon pour signifier la fermeture des magasins. Le drone s'appelle T-Friend et peut naviguer de façon autonome sans GPS en suivant un parcours préprogrammé. Ces concepteurs pensent que la diffusion d'une musique associée au bourdonnement de l'appareil perturbera la concentration des travailleurs et les incitera à partir. Il sera proposé à partir d'avril 2018 sous la forme d'un service de location facturé à l'entreprise pour quelques centaines de dollars par mois. Voilà pour tout ce qui bouge et voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en pas direct du tout. Entre 15h et 17h mercredi avec un montage de notre gamer à un autre. Et l'autre semaine d'après, ce sera de gamer à un autre. Donc deux émissions de meilleurs moments à partir de la semaine prochaine. On va se retrouver au début du mois de janvier. On est quand même en rappel les jeudis. Notez l'heure de rediffusion cette semaine. Ça va être exceptionnellement en après-midi. Donc soyez-y. Je l'aime aussi Assemblage Rocky en compagnie de Tania Baudin qui continue pendant les fêtes en montage aussi. C'est du mardi au vendredi. On saute les lundis qui sont les 25 décembre et 1er janvier. Bref, on se quitte avec une deuxième pièce d'hommage à Pokémon. Restez là pour Audiomatique pour les jours du mercredi. Bye bye.